C'est fou. 89.1. Sometimes. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Ingrid Arneberg sera avec nous pour une dernière fois avec sa chronique La course au trésor. Stéphanie Paradis viendra nous parler du dernier numéro de l'année du journal Zone Campus et Sébastien Dieu nous donnera son opinion sur le trash dans deux chroniques. Va voir, je suis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 11 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On est en forme aujourd'hui, je pense. Ouais. Ça va bien. Il faut que tu définisses être en forme. Ben, genre pompé. Pompé, pompette. Pompette. Les parties de bureau, on fait ça en ondes. Genre. Ouais, c'est ça. Le matin. C'est fun. Why not, peanut? Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Stéphanie Paradis qui est là à 8h pour sa chronique Zone Campus. Ça va être la dernière fois qu'on va lui parler de Zone Campus cette année. Donc, Ben oui. Il va rester d'autres chroniques avec elle, même des chroniques assez particulièrement le fun. Oui, mais ça ne veut pas dire que Zone Campus, vous ne pouvez pas l'apporter pendant le temps des fêtes. T'sais, si tu es trop occupé là, pendant les examens, lis-le pendant le temps des fêtes. Ouais, une page par jour pendant les fêtes. Il y en a 24. Hein. Ouais. Si tu comptes la pub en arrière. Mais oui. Ce qui est, tu vas pouvoir savoir ce qui se passe dans le gars qui a payé... Ben oui, c'est ça, disons-le. Ben oui. À 8h30 et 8h45, et là, je peux me permettre de dropper le mic deux fois Sébastien Dulude. Pow! Boom! Boom! Hein, ça impressionne, ça, la galerie. Parce qu'on n'a pas Lily Brunet-Saint-Pierre cette semaine. Elle va être là la semaine prochaine, par contre. Petit échange. Chouette. Chouette. Donc, deux chroniques, et c'est les deux qui se suivent sur le trash, donc... Wow! Tout un trash. Malade. C'est l'éboueur Sébastien Dulude. Et puis après ça, à 9h, on fera ça avec ça devrait pas là, qui est la chronique des gadgets inutiles. Et il y en a une bonne trollée, donc quelques suggestions cadeaux. Vous avez encore du temps un peu. Là. C'est pas mal dans les dernières chances que vous avez de commander sur Internet avec le shipping. Ouais, vraiment. Moi, je suis en retard. Hein. Ouais, hein. Rien commencé. Moi non plus. J'ai essayé, par exemple. On est des gars, tu sais. Ouais. À date. On s'est dit qu'on s'était pompé un matin, fait que c'est sûr, oui. Les gars. J'ai fait une belle carte. Hein, du macaroni? Oui. Merci. Ah, de rien. T'aurais pas dû, vraiment. Mais non, mais là, c'est mon punch de Noël. Non. Mon punch de Noël. Ah, ok. Ah, je pensais que c'était un truc pour faire des trous dans les feuilles, un punch. Ah, oh, elle est bonne. Non, elle est bonne. Moi, je pensais que c'était ce matin quand on est rentré au bureau, tu sais, on a punché. Punché avec la petite carte. Alain Lefebvre, hier, il me dit, ah, je m'en vais au studio. Il était avec sa taqueuse. Il s'en allait poser des affiches. Et je dis, ouais, ça, tu t'en vas te servir de ta taqueuse, mon Alain. Taqueuse. Ça avait rien à voir, tu sais. C'était drôle. Ouais. Mais en même temps, ça fait ça met un terme à ce qu'on disait. Oui, ça clôt le sujet. Le sujet. Donc, ça, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va commencer en beauté avec Ingrid Arneberg. Bon matin. Bon matin. Bonjour, ça va? Oui. Oui, est-ce que t'es excitée pour ta dernière chronique Forever and Ever? Un peu triste. Wow. Ouais. Ça a passé vite, hein? Vraiment. Tu pensais pas? Non, vraiment pas. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on doit se quitter. Alors, mieux vaut commencer tout de suite pour, comme un plaster. On va enlever ça bien, bien vite. Puis comme un enfant qui braille, tu vas y mettre un petit bob l'éponge. Ah, oh, puis un béquet bobo. C'est ça. La dernière fois, tu viens d'enlever le plaster, puis ça fait mal, fait que tu remets un autre plaster. Ça, ouais, parce que tu t'es rendu compte que la petite colle a enlevé la gale. Ouais, puis c'est ça. Okay. C'est la course au trésor. J'essaie de créer des histoires autour de ça et ça tombe à plat, malade. Oui. Yes, oui. Ingrid Arneberg. La course au trésor, c'est la chronique sur la périnatalité, les parents, les enfants, la famille, oui. Tout ça. Exactement. Ouais. C'est tout le monde. C'est full inclusif. Ouais. Tout le monde se tient la main. Oui. Oui. Puis chante la même chanson en se dandinant comme ça, de droite à gauche du micro. C'est tout cute et on n'entendra plus cette chanson de bébé, fait qu'on va s'en profiter. Oui. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Ingrid? On parle des rituels qui entourent l'accouchement. Oh. Ce qui m'a inspirée, c'est que la semaine passée, on a célébré un blessing way. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme un shower de bébé beaucoup plus spirituel. Parce qu'on a 3 filles enceintes dans notre cohorte. Oh. On a été vraiment spécial. Si vous passez dans le corridor puis que vous voyez une grosse vulve géante faite en rideau devant un local d'association étudiante, c'est le nôtre. C'est que sage-femme. C'est ce qu'on a fait pour le Blessing Way. Puis on l'aime, notre grosse vulve. On l'a gardée. Ouais, ça surprend peut-être à 7h30. On a déjà vu pire que ça. À oui. Oui. Ah oui. Oh. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais oui. Bon, mais pour vous, qu'est-ce que c'est un rituel d'accouchement? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça peut être? Faire la danse du bébé. Oui, le bébé qui danse dans Ally McBeal, ça vient de là, ça. Dans Ally McBeal, il y a un petit bébé qui danse. Non, trop jeune. Non, je connais Ally McBeal. Ben, bon. C'est pas les gens talons, ils l'ont repris, genre? Le marché, ah, oh, mais c'est à Québec, ça. Je sais pas. Faire des cadeaux, ça, c'est sûr. Ça doit être un rituel avant accouchement? Est-ce que c'est avant accouchement? Avant ou pendant, oui. OK. Qu'est-ce que ça peut bien être? Faire des cadeaux, toi, tu réfères à quoi? Ben, je fais référence au shower. C'est pas mal ça qu'on fait, donner des cadeaux, je pense. Hein? Oui, au Québec, oui. Le petit gâteau de couche, là, un super cliché que tout le monde fait. Déguiser la maman. Ah oui? Pendant qu'elle accouche. OK. Essayer d'avoir de l'argent dans les bars. Non, mais... Là, c'est comme l'enterrement d'une garçon, je suis tout en train de changer. Oui, mais c'est enterrement d'une jeune fille aussi, mais oui, on n'est oui, pas oui. dans... Ma... En tout cas, bref, j'en flippe aucune idée. Non, c'est ça, je patine pas mal. Mais il y a différentes façons qui entourent les rites de la naissance. Il y a différents trucs, comme baptiser. Oui. Enterrer un placenta. Bon, il y en a qui sont un petit peu perturbés, là, maintenant. Raser la tête du nourrisson. Ça, on voit moins ça ici, là, l'enterrer le placenta, c'est plus certaines communautés. À l'origine, c'est pour éviter la mort et protéger l'enfant. Les rites entourant l'accouchement, c'était pour ça. Les rites sont aussi une façon de faciliter l'avenue de l'enfant au monde, puis une façon de l'inclure, c'est là, ça. De marquer l'événement. Raser les cheveux, tu fais ça quand il est dans le ventre, comme ça, il est plus aérodynamique pour sortir. Non, oui, mais... comme pour la nage. Là, surtout à la quantité qu'ils ont. C'est là. Ça. Ouais. Donc, dans l'Antiquité égyptienne, c'était un bébé sur 3 qui mourait. On pensait que les femmes enceintes attiraient les démons. Donc, les femmes devaient accoucher dehors pour empêcher les démons d'envahir la maison. OK, ça, c'était un rite. On faisait appel aux divinités, aux puissances protectrices comme la déesse Thuéris. Thuéris, attention, elle a un corps de femelle hippopotame enceinte. Mm-hmm. Elle a une queue de crocodile et elle est munie d'un couteau. Elle a l'air cool. Elle a l'air badass, en mon Dieu. Oui, vraiment. Et pourquoi l'hippopotame? Il était réputé pour défendre férocement leur bébé. Donc, ça vient de là, cette déesse-là. Bon, si on était malade ou s'il arrivait quelque chose de malheureux, ça signifiait que les dieux avaient été offensés. Tu n'avais pas été gentil avec les dieux. Mm. Au Mexique, on ferme les portes, fenêtres et la moindre ouverture pour laisser entrer aucune force occulte quand la maman la couche. En Asie, c'est par le feu qu'on va espérer chasser les mauvais esprits. OK. Fait qu'on allume un feu, genre dans la cheminée. Là, okay. Ça purifie l'air. Très bien. Ouais, voyons. Dans le Québec d'autrefois, la venue d'un enfant, ça se vivait en communauté. T'sais, tout le monde était invité au baptême, tout le village était au courant, là. C'est pas gros, là. À 200 personnes, tu sais que la madame est enceinte. C'est ça. Donc, on accouchait à la maison, puis on préparait le trousseau de l'enfant à naître en famille. Donc, tout le monde participait. Là. Le trousseau, c'est les vêtements, le matériel pour l'accouchement, parce que ça salit quand même un lit, là, okay. Un accouchement, quand t'es pas prêt. Puis le trousseau allait traverser les générations d'un enfant à l'autre. Les parents et marraines étaient choisis au sein de la famille proche en cas de décès des parents. Ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, on ne voit plus ça comme ça, mais vraiment à l'époque, c'est si les parents meurent, ce qui était quand même une réalité de « OK, qui je veux pour prendre soin de mon enfant? » Donc, c'est comme ça que c'était interprété. On devait baptiser l'enfant dans les jours suivant sa naissance, peu importe les conditions météo ou la distance de l'église. Sinon, il était dans les limbes et ça ne marchait pas. Mm-hmm. Pour les bouddhistes, on ne situe pas la naissance à la sortie du corps de l'enfant à celui de la mère. Donc, c'est pas quand le bébé il devient autonome que l'enfant est naît, mais c'est dès la conception. Donc, quand l'élément masculin et féminin se rencontrent à l'intérieur, c'est là que ça prend part parce qu'ils disent que l'esprit se se forme là. Ouais. Est-ce que j'ai entendu dire qu'ils comptaient leur âge à partir de là, comme mettons, là, j'aurais 30 ans et 9 mois, mettons, et petit mettons, là, si j'avais 30 ans aujourd'hui? Oui, oui, ils se rajoutent un an. Donc, quand le bébé naît en tant que tel, pour eux, c'est un an. Un an, juste pas 9 mois. Okay. Oui, c'est ça. Fait que quand on demande l'âge d'un Tibétain, il veut toujours qu'il ait une année de plus que nous. Cool. Donc, c'est intéressant. Ben oui. Chez les musulmans, on va devoir lire le Coran, la poésie arabe et raconter des histoires à son fœtus à partir du 5e mois, parce qu'on considère qu'à partir de là, le bébé a une conscience. Okay. À cause d'une espèce de légende, là, que selon le prophète, c'est à la fin du 4e mois qu'il y a un ange qui est envoyé de Dieu pour insuffler l'âme au corps du bébé. Okay? Donc, à la naissance, c'est eux qui rasent la tête du bébé pour dégager la tête afin que l'air et la lumière puissent entrer. Pratique. Bon. Oui, c'est ça. La tête serait le siège de la raison, de la conscience et de la connaissance. Donc, on veut laisser le plus possible ces choses-là rentrer. Les cheveux sont ensuite pesés. On distribue l'équivalent du poids des cheveux en or et en argent aux pauvres. Mm-hmm. Comme ça, ça indique à l'enfant que dès sa naissance, c'est un être généreux. Oui. Mm. Pour les Juifs, ils veulent éviter la fusion mère-enfant. Après la naissance, donc, il y a la Brit Mila qui vise à redonner au père toute sa place, comme une fête. Au Maroc, la femme enceinte, elle doit se dévoiler. Il faut qu'elle enlève son voile, elle relâche ses cheveux, elle desserre sa ceinture afin de favoriser l'ouverture, la dilatation du col de l'utérus. Ça, c'est en accouchant. Pour la femme indienne, elle va libérer ses cheveux également, mais elle va également retirer tous ses bijoux, parce que souvent, ils portent plus de bijoux. Puis elle va accoucher dans une maison aux portes et aux fenêtres ouvertes, pour permettre le dégagement. Tandis qu'au Mexique, c'était fermé. Pensez-y, là. C'est différentes cultures, différentes façons de voir les choses. Couper le cordon par le père, c'est une mode qui est occidentale. OK. Tu sais, souvent, on dit « Papa, veux-tu couper le cordon? » C'est très occidental. Dire qu'il fait quelque chose, tu sais. Ah, c'est ça. Oui. Parce que là, les pères disaient « Oh, je veux rentrer dans la salle d'accouchement. » Puis en fait, il va nous déranger. Ouais. On va lui faire quelque chose. On va avoir une tâche. On va l'occuper. Mais l'occuper c'est ça. En mettant le focus sur ça, les pères viennent omnibulés par ça puis sont tellement concentrés qu'ils ne dérangent pas personne. Ils ne dérangent pas, ils ne posent pas de questions. Wow. Oh. Mais ça a vraiment été le truc. C'est du génie. Sauf le père qui filme tout. On a-tu droit encore de faire ça? Ben oui, t'as le droit de filmer. Moi, j'ai pris des photos à l'accouchement d'une de mes amies, mais à fond, là, de l'équipe médicale. Oui. Puis je me suis dit, regardez la belle photo que j'ai prise de vous. On peut aussi, tu sais, quand on parle de cordon, on peut couper le cordon par... On peut enterrer le cordon avec le plan d'un arbre. Ça, c'est dans certaines traditions, c'est ce qu'on fait. Et l'arbre va grandir avec l'enfant parce qu'il va venir une partie de lui, le cordon. Ça se fait aussi avec le placenta. Il y en a d'autres qui vont s'en faire un porte-bonheur comme en Inde, au Mexique ou en Turquie. Donc, ils gardent le cordon et ça va être un petit porte-bonheur. Ça ratassine beaucoup. Hein? Oui, ça devient un petit raisin sec. Oui, vraiment. Ouais. Ça a vraiment l'air de ça, puis c'est noir en tout cas. Dans certaines cultures africaines, on va enterrer le placenta pour préserver la santé et la bonne humeur de l'enfant. Au Cambodge, il y a certaines régions d'Amérique du Sud, la Corée ou encore la Réunion. L'île de la Réunion, peut-être? Oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai pris mes notes la semaine passée. Ils font de même en enterrant ou en brûlant le placenta. Donc, le placenta n'est pas évacué comme ici, comme un déchet. Là. Mm. C'est important. Il y en a même en Polynésie française qui considèrent que quand tu es dans le ventre de ta mère, il y a un jumeau mort qui est le placenta. Donc, quand tu nais, le placenta, il faut que tu l'enterres. Wow. Parce que il est aussi important que toi. Il t'a permis de vivre en mourant. Donc, fait que c'est vraiment... Ouais. Ici, c'est vraiment pas... C'est très occulté, le placenta. C'est comme ça, les chiens. Arc, je veux même pas le voir. C'est un gros steak de viande, là. C'est pas comme, en tout cas. C'est pas dégueu. Moi, j'adore les placentas. J'aime vraiment ça. Je suis comme... Je les collectionne. Ben, j'aime les regarder. C'est le fun de toucher ça. Mais c'est drôle quand c'est froid. C'est bizarre à dire, là. Le placenta, ça devrait être chaud. Ah, okay. Ça sort quand même d'une main. Ici comme ailleurs, hier comme aujourd'hui, la naissance est entourée de soins, d'attention, de tradition. On est moins superstitieux de nos jours qu'à l'époque de l'Égypte, on s'entend. Mais on s'en remet beaucoup à la technologie pour éviter le pire maintenant. Avant, on s'en remettait aux rites, aux superstitions, aux traditions. Maintenant, c'est la technologie qui a remplacé ça. Donc, on reste toujours superstitieux, mais d'une autre manière. Les actes médicaux liés à l'accouchement semblent donc avoir remplacé les rites, surtout dans les cultures qu'on dit occidentales. Mais il y a certaines sociétés qui sont restées fidèles à leurs traditions puis qui cultivent encore l'art de faire naître et dans le respect de la femme, de son corps et de l'enfant à naître. Donc, c'était à ne pas oublier. Mm. Quand même, c'est marquant. Alors, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? On fait des showers de bébé. Oui, des showers de bébé. Des showers de bébé. Qu'est-ce que ça consiste? On l'a dit tantôt, ouais. Des jeux. Souvent, faut que tu aies les yeux bandés, là, faut que tu goûtes à un petit pot de bébé et tout. Et moi, j'ai eu la chance cette année d'assister à un shower de bébé cet été. Et là, la semaine passée, d'avoir un blessing wing. Donc, je peux vraiment voir la comparaison entre les deux. Puis, tu sais, le lieu est important. Par exemple, le shower, on l'a fait, c'est dans une grande salle, c'est très lumineux, c'est au-dessus d'un lot. Tu sais, les robes-là, ils ont comme des cuisines communautaires. Oui, oui. C'était là-dedans, fait que c'était très grand. Il y avait des couches que tu peux marquer un message sur la couche. Il y avait beaucoup de cadeaux qui étaient donnés. Donc, il y a une approche très mercantile aussi à ça. Ça se passe dans un magasin. Tu sais, en plus. En plus. Après ça, souvent les parents avaient les yeux bandés. Il fallait qu'ils devinent c'est quoi dans le sac. Est-ce que c'était une tétine? Est-ce que c'était une débarbouillette, un jouet, des trucs comme ça? Puis ils gardaient tout ce qu'on leur faisait jouer, les petits pots de bébé. Fait que tu devines la saveur. C'est dégueu, là. Après ça, il y a toujours le jeu de la couche aussi, mais je trouve particulièrement dégueu. Ils l'ont pas fait cette fois-là. C'est qu'ils mettent des barres de chocolat fondu dans une couche. Mm-hmm. Ouais. Puis vous devinez c'était quoi la Wenry, c'est la meilleure. Quelle sorte, ouais, la Wenry. Des peanuts, ça, quoi? Mais c'est dégueu. Ben, ça a l'air du caca de bébé, mais c'est dégueu. Ah, franchement. Moi, je suis vraiment pas skittlefil. Je n'embarque pas là-dedans. Donc, tu es plus skittlefil. Skittles. Oh, wow. À fond dans les skittles. Mm-hmm. Il y a ces petites framboises. Des fois, on a besoin de bonheur intérieur. Donc, c'est vraiment dans des jeux. Il y a aussi des paris. Ah, tu sais, t'as un calendrier. Des fois, j'ai vu ça souvent, des pools. Puis il y a 25 % de l'argent qui va être mis à celui qui a bien parié. Le 75 % de l'argent ramassé va aller aux parents. Donc, tu sais, si tu veux placer, il y a comme un gros calendrier avec la date prévue de l'accouchement, 40 semaines. Puis là, tu peux mettre, tu sais, 3 votes, c'est 10 piastres, tu sais, ta. Puis celui qui est le plus près a 25 % de tout l'argent qui a été mis, puis le reste va aux parents. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est intéressant, tu vois beaucoup ça, là, t'sais, c'est un peu comme un pool de hockey, mais un pool d'accouchement. Un pool de bébé. Il y a des gens qui font des souhaits pour les futurs parents, dans des cartes souvent, ou nous autres, on écrivait sur des couches, lâche pas la patate, on va bien aller. Encore une, hein, il est minuit, tu pensais pas, hein? Des trucs comme ça. Tous les clichés. Puis souvent, on va faire des plâtres aussi pour le ventre de la mère. Je sais pas si vous avez souvent vu ça, là. Ils font le buste et le ventre en plâtre, c'est des moulages. Ça se fait quand même souvent. Là. Puis le plus beau que j'ai vu, il incluait un peu les épaules puis les clavicules. C'était magnifique. Là. Très, très beau. Puis après ça, tu peux le peindre ou coller plein de photos ou que tu trouves dans les revues ou de ton enfant. Puis tu sais, ça devient un peu... Ben, j'avais l'air de te sentir enceinte. Mm-hmm. Donc, c'est assez beau. Un blessing, oui. Oui. Là, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. J'ai pas fait de recherche particulière sur le blessing. La tradition en tant que telle. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, premièrement, j'imagine? Je pense que c'est un rituel plus amérindien, okay. Ou un truc comme ça. C'est vraiment une approche beaucoup plus spirituelle. Tu sais, dans le shower, tout est lumineux. Tu sais, c'est très jeu, on rit beaucoup. C'est un party, vraiment, l'affaire. Ouais, c'est vraiment un party. Puis, tu vois, mon shower, souvent, c'est un truc de femme. Mais moi, il y avait autant d'hommes que de femmes. C'était assez intéressant. Tu sais, aussi d'avoir les gars qui font des commentaires. Il y en a beaucoup qui ont des enfants. Fait que là, tu sais, tout le monde va sa petite anecdote personnelle. Puis, tu sais, je t'ai acheté telle affaire. Comme moi, j'avais acheté un petit cache-couche avec une boucle que tu peux mettre sur le cache-couche. Fait que c'était comme un petit monsieur. C'était un Mr. T. C'est vraiment cute! Pour T-shirt, en tout cas. Ah, drôle. Mr. Oui. T-shirt, j'adore. Puis avec des petits pantalons MC Hammer. Ah oui, summertime. C'était vraiment cute, là. Mais le blessing, oui, c'est pas ça. C'est plus une approche spirituelle qui est moins dans le cadeau et tout. Donc, nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a habillé la porte du local en vulve. Fait que, tu sais, t'avais vraiment l'impression de rentrer dans un sexe féminin, là. Vous irez voir, ça vous tente. C'est devant notre local. Dans le pavillon, oui. Ouais. Dans le. Oui, dans le pavé. Okay. Tu l'as vu? Oui. C'est impressionnant, hein, le gros guitariste. Oui, c'est gros. Fait qu'on. Puis la pièce est tout petite, tu sais, on est une quinzaine de filles. Fait que c'était très chaud. T'avais vraiment l'impression d'être dans un utérus. Puis on avait juste allumé des bougies. Puis on a un mur orange, puis ça fait vraiment comme rouge un peu. Fait que t'avais vraiment l'impression d'être dans une utérus. Donc, on était tous assis au centre par terre. Il y avait des bougies, des perles, des cœurs, des objets significatifs, des statues qui tiennent la main au centre. Puis les trois femmes étaient assises sur le divan du local. Mais ça faisait qu'ils étaient comme sur un trône. On a confectionné des couronnes avec des vraies fleurs. Des vraies fleurs. Confectionner une couronne de fleurs, attention, c'est pas facile. C'est pas donné à tous. Après ça, on a fait un masque d'argile. T'sais, on leur massait les épaules, les cheveux, les pieds, les mollets. T'sais, vraiment, là, le but, c'était de leur prendre... d'avoir de l'attention sur elles. Leur montrer que... parce qu'elles sont enceintes, elles ont un statut privilégié, un peu, pour ce moment-là. Fait qu'après ça, il y a eu un rituel de nettoyage, puisqu'on leur a mis quand même de l'argile. Fait qu'on leur a enlevé avec de l'eau qui sentait la rose, avec des huiles essentielles et tout. Mais en même temps, il y a un massage. On a confectionné des cartes ou des mots, là, sur des cartons. On ajoutait des brillants, des plumes, de la paillette, bien des affaires. Puis on leur mettait dans un bol. Puis il y en a certaines qui ont mis des savons, qui ont mis des CD, qui ont mis des petits trucs comme ça pour chacune, une petite attention particulière. Du thé, bon, tous les trucs comme que tu voulais leur offrir. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une ficelle, puis moi, j'ai mis une petite perle que j'ai ramenée de la Norvège pour chacune, oh, qu'on a mis autour de leur poignet. Puis à partir de là, on allait mettre un autre morceau de ficelle, chacune, en leur faisant un souhait. Je te souhaite pour toi. Pour ton enfant à venir, puis là, tu disais ce que tu c'était, tu sais. Puis il y en a une, c'était son premier, il y en a une, c'était son deuxième, il y en a une, c'était son troisième. Non, c'est fun. Fait qu'on a fait, on donnait les souhaits à la future maman. Ensuite, on a tout enroulé les morceaux ensemble, ça leur fait un bracelet, puis on leur suggère de le garder jusqu'à l'accouchement. Pour ce qu'elle se rappelle pendant son accouchement, ben écoute, on est toutes là avec toi, tu sais, souviens-toi qu'on t'a tout souhaité. Ça aille bien, qu'on a confiance en toi, en ta force. On sait que c'est pas facile, mais il y a 20 femmes derrière toi pour te supporter. Tu sais, oublie pas ça, là. T'es pas toute seule, t'es pas la première. Tu sais, il y a vraiment une approche. C'est plus spirituel là. J'ai peut-être l'air super grano. Je trouve pas. Après ça, on s'est levé, puis on a chanté une chanson main dans la main. Vous connaissez Au cœur de la rivière, au cœur de l'océan, il y a un truc. Mmh. C'est une chanson qui est bien chantée dans le milieu sage-femme. On fait tout ça à l'ordre des sages-femmes. Quand les sages-femmes ont leur diplôme, tout le monde se lève, tout le monde, les 200 quelques personnes, là, on tient toute la main, puis on chante ça. We are the world. Oui, c'est ça. We are the children. En français, là, maintenant. Mais c'est une petite chanson, puis c'est juste pour dire, hey, bienvenue dans la communauté. Fait que là, c'est juste pour dire, félicitations, vous faites partie de cette communauté-là. Ensuite, on a partagé un repas tout ensemble, c'est vraiment bon, puis on a bu du kombucha, parce qu'on tripe sur le kombucha en ce moment. Fait que cool. L'ambiance est très calme, c'est feutré, c'est sombre, c'est sobre. La musique était toujours inspirante et instrumentale, c'est toujours un petit truc soft. Moins beaté qu'en arrière. Oui, oui, il y avait des rires, des murmures, des larmes de joie, les femmes étaient comme, tu sais, dans une fin de session en plus de prendre un moment, puis que c'est tes amis qui l'organisent, puis ils savaient pas du tout c'est ça qu'on faisait. Mais juste leur dire, ben vous êtes assez importante pour nous qu'on a besoin d'une pause pour célébrer que vous allez nous quitter. Mm-hmm. C'est une façon de leur dire au revoir, ouais. Parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, puis là, ben ils perdent une année, fait qu'ils sont, tu sais, pendant que nous, on va graduer, elles vont faire leur 4e année. Oui. Donc, c'est une façon aussi de souligner leur départ, de leur dire au revoir parce qu'on les aime. C'est devenu des soeurs, des collègues, des amis. Donc, c'est vraiment... c'était très chargé d'émotions, là. Voilà. Moi, quand j'entends surprise, genre, c'était une surprise, je savais pas que ça allait avoir lieu. J'imagine juste, genre, une pièce très, très sombre. On ouvre les lumières, surprise, puis ça fait « flock ». Ça va, c'est là. Flock ». Non. Mais tu vois, il y en a une qui est à presque terme, est à 35-36 ouais. Semaines. Le terme, c'est à 37. À partir de 37 à 42. Hein? On fait de l'over. Ouais. Après ça. Ben, 40, c'est ta date prévue d'accouchement. OK. 37 et 42, c'est ton bébé considéré à terme. Ah oui. OK. Fait qu'il y en a une est à 36, il y en a une est à 20 quelques, puis l'autre est là, cette semaine, est à 34, fait qu'elle est à 33. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment... ils sont pas tous au même... Il y en a une, c'est début janvier, l'autre, c'est fin janvier, l'autre, c'est au mois d'avril. Mm. Mais c'est une façon de les souligner parce qu'on part en stage encore. On a encore tous se dispersé. On voulait prendre le moment de célébrer ça. Tout à fait. Bonne idée. Et parlant de se laisser éventuellement, Ben, c'est pas mal là qu'on va faire ça. Ah, ben oui. Ben oui. C'est une chronique chargée d'émotions. Exact. Oui. Tes amis, c'était depuis 3-4 ans. Nous, ça fait juste peut-être 3-4 mois, même moins que ça. Mais on va quand même s'ennuyer de toi parce que ta chronique était vraiment intéressante. Oui. Oh, c'est fin, merci. On n'a pas de placenta à manger. On n'a pas de. C'est rare qu'il mange. Oui. Je peux fermer la lumière, peut-être? Oui. Oui. Et flouc. Ah, je t'atterme. C'est ça, ma bédonne. Enceinte, sans le savoir. Ah, hey, est-ce que tu regardes cette émission-là? J'en ai vu quelques-uns, oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des dénis de grossesse, je suis sûre que ça existe. Ouais. Je suis vraiment sûre parce que les filles font comme c'est tellement pas une possibilité, c'est tellement pas une possibilité. Puis, tu sais, ça arrive, mettons, chez les femmes à 32 semaines. Et 32 semaines, tu commences déjà à avoir un bon bedon. Là. 34, c'est évident. Là. Et là, elles l'apprennent et ils font comme « Hein? » Puis quand elles ont assumé le fait qu'elles étaient enceintes, là, qu'elles le reconnaissent, le ventre se met comme à gonfler, à oui. doubler, là, parce que le corps, le cerveau est tellement fort que l'utérus fait comme, il n'y a pas de place parce que le corps donne pas sa place. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vu une fille de 15 ans, là, elle avait même pas l'air enceinte. Puis elle est enceinte, là. Ouais. Moi, ça wow. m'est arrivé aussi dans la parenté. Ça, une amie, ouais, c'est ça. Qui, ça faisait 5 mois. Puis, même affaire, là, elle savait pas qu'elle était enceinte. Elle jouait au hockey, elle faisait ses sports, puis tout. Puis ça paraissait pas du tout. Puis à un moment donné, elle l'a su. Puis là, tout à coup, poum! Genre, une belle année est apparue comme ça. Là. J'ai une amie, elle l'a su qu'elle est enceinte parce qu'elle a eu un accident de snow. Puis quand t'es une femme, ils disent tout le temps, êtes-vous enceinte? Parce que là, ils peuvent pas faire des radios, ils peuvent pas faire plein d'affaires. Puis je dis, ben non, tu doutes pas que t'es enceinte. Ils vont quand même faire le test pareil. C'est dans les prises de sang, au c'est automatique. Ils le font automatiquement. Ça arrive trop souvent que la fille, elle ne sait pas ou est au début de sa grossesse. Fait qu'elle n'a même pas pensé faire pipi parce qu'elle n'a même pas en retour dans ses règles, mais elle est enceinte. Mm. C'est les forces les plus fragiles. On pourrait peut-être essayer ça, Mathieu, si le cerveau est assez fort. Peut-être qu'on pourrait... je pourrais me convaincre que je suis genre... que j'ai pas de petite bedaine. Peut-être que ça va faire... ça va revenir. Oui, en même temps que t'accroches pas dans la toilette, c'est faudrait ça l'affaire. Faudrait que tu lâches les calendriers Lindes. Ah! Elle a entendu ça. Oui. Ah oui! J'en ai un. On a une complicité là, ce matin. Là. Est-ce que t'as ouvert celui d'aujourd'hui? Est-ce que toi, t'es du genre à l'ouvrir quand? Ben là, tous les matins, mais là, tu sais, le mercredi, j'étais à l'UQTR, fait que j'étais à Trois-Rivières, fait que j'étais à Québec, mon calendrier. Okay. Fait que c'est quoi? Je sais pas. Moi, pour de vrai, pour faire un mauvais jeu de mots, je suis en retard. Je suis pas en retard dans mes règles, je suis en retard dans mon calendrier. Je suis rendu au 5. Ah, t'as-tu parce que je l'ai acheté. L'herbe de le petit cornet de chocolat? Non, pas encore. Mais je pense que c'est celui de là. J'essaie d'y aller deux par jour. Mais des fois, ça fait comme pas mal de chocolat. Je suis enrhumé. Je goûte pas grand-chose. Je suis comme, je l'ai gaspillé. Tu peux toujours en apporter un, Mathieu. Ah oui, je pourrais... Oh, regarde ses yeux. C'est peut-être mis mal à l'aise aussi. Hey, tu vois comment on embarque sur des sujets parce qu'on veut pas te laisser partir. Oh, c'est fou! Mais il va falloir le faire éventuellement. Oui, si tu laisses deux secondes, je vais me mettre devant la porte, puis je vais faire non! J'ai un examen à 8h, il faut vraiment gêner. OK, vas-y. Va faire un tour devant la gigantesque vulve, faire ton salut matinal. Oui. Salut, capitaine, bonjour. Ou à la... Militaire. Non, mais ou à la... Voyons, Hunger Games, là, tu lèveras tes trois doigts, là, puis tu feras... T'as pas vu l'annonce? Non... J'ai pas vu les films non plus. Mais je vais faire comme si je comprenais. Ah ouais! Attends, j'ai mon point GP. Ce GP se schnappe. Donc, Ingrid Arneberg, un jour peut-être qu'on te reverra. Tu sais que t'es bienvenue à l'émission. Mais tu fais partie de l'équipe. Je viens tout le temps vous squatter dans vos locaux. Squatte-nous tant que tu veux. Puis peut-être, écoute, on lance l'idée. Peut-être par téléphone, si jamais tes stages sont pas trop exigeants. N'importe quand ou ponctuellement ou quand t'en auras envie. Si tu veux venir juste nous dire bonjour. Mais faites-vous ça avec tout le monde? Non. Ben, non, vraiment pas, premièrement. Mais ta chronique était particulièrement intéressante. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ta chronique, donc... Vous êtes vraiment fin! Que voulez-vous? Oh, c'est vraiment, vraiment apprécié. Ça demandait quand même beaucoup de temps. Ben, félicitations pour ton travail et merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Merci, c'est vraiment apprécié de m'avoir fait une place et d'avoir déplacé autant de gens. Alors, premièrement, on a déplacé Stéphanie Paradis. Oui, c'est vrai. En veut jusqu'à aujourd'hui encore. c'est pas vrai. Et on a déplacé beaucoup de gens. On a insisté pas mal longtemps pour l'avoir. Donc, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ingrid Arneberg, la course au trésor. Merci. Merci. On va se quitter avec une pièce que tu nous as choisie. C'est les Sœurs Boulay. Donc, c'est cul-de-sac. Pourquoi? Oui. Ben parce que ta chronique finit là, puis il y a un mur devant nous. Oui. Oh. Ouais. Mathieu, t'es poétique. Elle est tellement bonne. Ce n'est que nos revoirs. gauche, un chemin en terre, y'a un cul-de-sac que tu verras si tu fais rien que regarder à droite. Ton petit cœur, faut le laisser aller au débrayage. Ça ressemble à rien que tu connais, c'est même pas sur la map. Du gazon et des oiseaux couchés dans des hamacs. Une maison aux quatre murs barbouillés d'orage. Tu comprends pas qu'est-ce qu'on fait là. Tant pis pour toi. Anyway, on t'attend pas pour inventer. Secoué par le ressac, il y a des ponts où des grands arbres poussent dans les cracks. Des enfants aux grands drapeaux plantent des coquillages. On peut y crier autant qu'on veut et y'a personne qui braque. Quand il fait noir, on se réchauffe au silence des claques. Le matin, on boit des mots, on fait voler les pages. Au retour, on parle du jour de la zone campus avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce mercredi 11 décembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et on accueille Stéphanie Paradis. Ouais, c'était quoi ça? On accueille Stéphanie Paradis. Bon matin. Bon matin, c'est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Ah ouais? Ben oui. C'est ah ouais? C'est ça que je fais depuis un an et demi. Un an, ah ouais. Et demi. Tu es généreuse sur l'an et demi, mais un an et quelques mois. Là. Comment ça, je suis généreuse sur l'an et demi? Ben ça fait un an et deux mois. Comment et deux mois? J'ai fait une saison et demie de journal. Ah, de journal. L'été compte pas, fait que ça fait un an et demi. Parce que t'as commencé en septembre, octobre, genre, l'année passée. Ça fait un an et deux mois. Ah, je trouve ça insultant. Il se souvient même pas tous les beaux moments qu'il a vécu avec moi. Ah, tu sais, mon cerveau, il a tendance à effacer des choses qu'il veut pas retenir. Hey! Bon, ça commence bien un matin, la vie fonce dedans. Voici la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. On reçoit Stéphanie Paradis, qui est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. On n'avait pas complètement dit le terme, tu t'en le souviens? Titre. Oui, oui. Tu t'en souviens? Celle qui pense être ma supérieure hiérarchique, mais qui est en fait au même niveau. Je m'excuse, quand c'est moi qui ai le fouet dans les mains, c'est moi la supérieure. Ah, ça, j'ai du fun, fait que c'est correct. Donc, volume note numéro 8 du journal Zone Campus, c'est le dernier pour la session d'automne. Évidemment, le volume, lui, qui va continuer jusqu'en avril après ça. Et on retrouve en une la nouvelle ligne de vêtements des Patriotes. Ils sont-tu beaux? Hein? Pour vrai, sont vraiment magnifiques. Là. Au pire, même si on n'aime pas les Patriotes, les chandos sont tellement beaux. Les chandos. Fait qu'on en met un. Donc, ben oui, les Patriotes de l'UQTR offrent désormais l'opportunité à tous les partisans et plus de porter leurs couleurs. Donc, c'est des vêtements qui sont signés Périgny, sur lesquels on retrouve un logo revampé des Patriotes Cette ligne-là a été créée spécialement pour que tous puissent s'afficher ouvertement comme fervents supporters des équipes sportives de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Parce qu'on retrouve ça dans toutes les universités, ouais. En fait. Mais ici, je pense que ça a pris du temps à décoller. Mais là, c'est vraiment une belle initiative. Sont beaux. Puis... sont vraiment pour, beaux. Pour une bonne cause aussi, parce c'est que exact. Les fonds vont aider les Patriotes à poursuivre leur cheminement sportif. Oui, beau logo, belle équipe, très bon projet, j'adore ça. Et tu disais pour les partisans et plus, fait que même si vous détestez l'équipe, prenez un chandail, allez l'acheter, le chandail des Patriotes, puis marquez « Jaillit les Patriotes » dessus, ou marquez « Les Patriotes, c'est pas très hot ». Vous faites ce que vous voulez avec ça. Non, mais pour vrai, ils sont beaux. Il y en a un, il fait un peu surfer années 80. Oui. C'est super beau, vraiment. Génial. Toujours en actualité, on parle d'un agrément ministériel des programmes de formation en enseignement. Oui, l'Université du Québec à Trois-Rivières, toujours, a récemment reçu l'agrément ministériel pour ses programmes de formation des maîtres à la suite d'une visite du comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, donc relevant du ministère de l'Éducation, Loisirs et du Sport. Donc ça, c'est 6 programmes de baccalauréat et 1 programme de maîtrise en enseignement de l'UQTR qui ont obtenu leur agrément. Donc, c'est pas rien, là, ça prend ça pour certifier que tu sais que t'es hot. Ça veut dire que les cours et les programmes sont de qualité ici à l'université. Tout à fait, ça dit que t'es hot. Fait que si t'es dans les gens qui pensent que les Patriotes c'est pas très hot, ben tu prends ça, l'agrément. Puis t'écris agrément sur ton t-shirt. T'écris un gréement, tu rajoutes un gréement. Création d'une chaire de recherche internationale. Oui, visite des représentants de l'UQTR à Limoges. Donc, c'est l'UQTR et l'Université de Limoges en France qui ont récemment signé un protocole d'entente pour la création de la chaire de recherche internationale sur les ressources forestières et les usages du bois. Donc, encore une belle association qui devrait apporter des résultats intéressants. C'est vrai ça. Recherche en toxicologie médico-légale, les grands mots ce matin. Mais c'est quand même simple, je pense. Ouais, gars, tu me surestimes. Ouais, peut-être. Donc, dans le fond, c'est une recherche dans le cadre d'un projet de recherche en toxicologie médico-légale, comme tu l'as dit. C'est le professeur et chercheur André Lajeunesse qui tente de détecter des traces de GHB, communément appelé, hein? Oui, gamma-hydroxybutyrate. Facile, Steph. Hein? Je veux dire, il n'y a personne qui dit GHB. Tout le monde dit gamma-hydroxybutyrate. qu'on appelle encore plus communément drogue du viol. Donc, il veut détecter ça, la quantité que dans les cheveux. Parce que dans le fond, le corps en produit une petite quantité naturellement. Mais là, en essayant de voir la quantité... Pas une fois qu'on l'a consommé, mais naturellement dans les cheveux. Après, si on a quelqu'un qui en a consommé, on pourrait le détecter de cette façon-là. Mm-hmm. Et peut-être qu'un jour, les chiens pourront renifler le GHB dans les cheveux. Peut-être. Comme dans la police avec la drogue. Genre. Je pensais que t'allais dire comme dans Police Academy. Comme dans Police Academy, c'est ça. Ben oui. Ensuite, parlant d'acronymes comme le GHB, là, on parle du GRIAPS et du CICC-UQTR, journée conférence. Oui, donc... c'est pour leurs 10 ans d'existence. C'est 2 groupes de recherche qui se sont offerts une journée de conférence le 29 novembre dernier pour diffuser les résultats de leurs plus récentes études. Donc, le GRIAPS et le CICC-UQTR ont uni leur expertise afin de présenter des thèmes variés. Donc, le GRIAPS, lui, entre autres, va faire des recherches sur les problématiques liées à l'adaptation des enfants, des adolescents, des adultes, de même qu'au développement et à l'évaluation des pratiques, alors que le CICC, lui, est composé de chercheurs qui s'intéressent aux phénomènes entourant la délinquance, la marginalité et les mécanismes de contrôle et de prévention formels et informels qui les régissent. Mm-hmm. Pour terminer la session d'automne et en fait pour terminer en général, Laurent Constantin nous présente sa dernière chronique Voyage au centre du campus. Mais oui, c'est déjà la fin de Voyage au centre du campus. C'est l'heure des bilans. Donc, il nous parle des restructurations. Il est arrivé décembre et comme vous êtes probablement en fin de session, vous n'aurez peut-être pas le temps de lire cette édition de Zone Campus. Hey. Si jamais vous êtes en train de procrastiner, bonjour! Je trouve ça très drôle, donc allez voir ça parce que déjà, si vous nous écoutez ce matin, vous êtes peut-être en train de procrastiner. Pardon. Peut-être. Jean-Philippe a dit en début d'émission, faites comme un calendrier de l'Avent et prenez une page du journal par jour jusqu'à la fin du mois de décembre. Oh. Ben oui, tu sais. Puis rattrapez le temps perdu comme tu ferais avec un chocolat. T'sais. Ou apporte-le pendant le temps des fêtes. C'est ce que tu veux. Amène-le à ta famille. Lisez-le comme un conte de Noël. Oui. 2 groupes de recherche se réunissent. Le GRIAPS et le CICC. Et puis là, t'as l'enfant qui pleure. J'essaie d'imiter ça. Ouais. C'est pas très beau, hein? Non, c'était... C'est plus un vieux monsieur qui pose une question, genre, qui demande à répéter. J'ai pas compris. On revient sur le quiz question pour un champion qui avait eu la semaine passée. Mais oui, c'est la 4e édition cette année. Ça s'est déroulé le 5 septembre. 5 septembre, on tartare sa nouvelle. Le 5 décembre, dans une ambiance festive à la Chasse-Galerie. C'est une populaire activité de la Coupe des Assauts. Donc, pour une deuxième année consécutive, c'est Daniel Roch Généreux qui a été déclaré grand vainqueur de l'Association des étudiants en lettres et linguistiques. Bravo! Daniel Roch Généreux! Bravo! Mais c'est bon, hein? Comme nom. Mais pour vrai, je me suis demandé, est-ce que c'est son vrai nom ou il a ajouté ça sur Facebook? Parce que je connais vraiment beaucoup de monde qui ajoute... Comme Jean-Philippe Desbois-Charbonneau, mettons, exemple. Peut-être, peut-être. J'ai aussi un ami, Julien Colin Bougie. Colin ne fait pas partie du tout de son nom. OK, je pensais que Bougie, c'était une joke parce qu'il aime les party lights. Non. Mais bref, je me suis demandé ça, mais non, c'est vraiment dans son nom. C'est juste vraiment trop cool. Vraiment. Mm-hmm. On reste en actualité encore un petit peu parce qu'on va au portrait-reportage qu'a fait Myriam Lortie avec Mathieu Roy, le président de l'OGE. Avec une magnifique photo de Mathieu Roy. Vraiment. Qui a l'air toujours aussi heureux et ricaneur. Donc, il n'était pas écrit dans le ciel que Mathieu Roy, originaire de Lévis, allait un jour devenir président de l'Association générale des étudiants. Quand on regarde son passé, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a su frayer son chemin à travers les différents niveaux de l'implication étudiante. Oui, on... Donc, vas-y. Oui, non, ben je trouve ça très intéressant. On se demande, mon Dieu, mais comment on peut aboutir à devenir quand même président d'une association générale, d'une université au grand complet? Ouais. Je trouve ça fascinant. Est-ce que c'est parce qu'il veut devenir politicien un jour? On le saura en lisant l'article. J'ai vu que ça en parlait un petit peu quelque part là-dedans. Et Mathieu Roy, qui vient de Lévis et qui, depuis qu'il participe à Assemblage requis, il évite de venir le voir. Oh! Ah! Parce qu'il est jamais là. On continue. C'est une blague. On continue. On passe avec Jean-Philippe en société. Oui, on commence avec Lily Brunet-Saint-Pierre qui, dans sa chronique L'aplomb dans la tête, nous parle que l'essence coûte cher. Mais oui, écrire. Écrire sur quoi? La fin de session m'a vidé de mon contenu, m'a saturé et j'arrête là. Wow. Ben, parce qu'on va en entendre plus. La semaine prochaine. Ouf. Mais je veux pas dévoiler le punch. Non. Je pense qu'elle tient beaucoup à ses textes. Ah ben, et elle a raison. Et je voudrais pas avoir l'air de me les approprier. Mm. Et voilà. Donc, passons au suivant en parlant de Nicolas Gauthier, qui nous démystifie Noël dans sa chronique « Tout est bizarre ». Ben oui, nous y sommes enfin. La magie de Noël empeste les centres commerciaux. La musique traditionnelle étouffe nos oreilles, la neige s'accumule, les lumières pullulent. Le kitsch est de mise et c'est le retour de l'autre est sacré ciné-cadeau. Je dois le confesser, j'adore Noël. J'aime profondément tout ce qu'apporte le temps des fêtes et j'ai mes traditions comme écouter Die Hard. C'est vrai que c'est un film de Noël parce que ça se passe à Noël. Ça se passe à Noël, le premier. Dans un party de bureau. Vrai. Ah, comme notre vidéo d'elfe, là. Oui, exactement. Même chose. Ça devrait poster sur C'est fou. Ouais. Page Facebook, c'est fou. Assemblage requis, c'est fou. C'est fou, c'est toute l'équipe, t'as raison. Vas-y, ouais. L'équipe. Ouais. Donc, Nicolas Gauthier, justement, nous parle de certains mythes, les contes de Noël et aussi la naissance du petit Jésus. Donc, tout se retrouve là-dedans. Continuons avec dernière chronique de Stéphanie Gladue, anthropologie moderne, oui. Donc, l'affront des générations. Mais oui, les X, les Y, les Z ou les C, appelez-les comme vous voulez. Mais une chose reste certaine, il y a entre les générations québécoises des fossés infranchissables. Donc, elle l'avoue elle-même que c'est une chronique remplie de clichés et de jugements faciles. Mais c'est ça qu'elle aime, donc on a du plaisir à lire ça quand même, donc c'est très drôle. Kevin Gaudreau nous fait une réflexion à propos de la guerre et de l'amour. Oui, donc, deux mots, deux extrêmes. Au nom de l'amour, plusieurs sont prêts à aller en guerre. Que ce dernier soit vrai ou faux, il est possible d'aller loin à partir de celui-ci. L'amour et la guerre sont deux réalités ayant des motivations opposées, mais pouvant également se rejoindre sur certains points de vue. Il n'est pas souhaitable que les deux se chevauchent dans les similarités. Toutefois, lorsque nous y accordons une attention, il est possible d'y avoir matière à réflexion. Sébastien Dulude nous demande si nous sommes narcissiques. Mais oui, puis on a quand même un coup de main pour répondre à cette question. Il nous a fait un quiz digne de filles d'aujourd'hui, mais plutôt dans son magazine Fail d'aujourd'hui. Donc c'est un quiz indispensable. Êtes-vous narcissique? Êtes-vous prêt pour la vérité choc? À vos crayons. À vos crayons et un petit encadré de réponses se trouve aussi sur la page. À l'envers. Oui. Ben oui. évidemment. Puis et le carré vert. Et carré à l'envers. drôle. Et une capture d'écran de la page de Luca Rocco Magnotta Fan Club sur Facebook. Et il y a un petit 1 sur la planète Facebook. Là. Fait que je veux cliquer dessus. C'est vraiment fatigant d'avoir une notification. Puis elle ne nous appartient pas. Non, on peut rien faire pour elle. Non. On a une chronique d'opinion de Jean-François Chapdelaine, Confiance ébranlée. Oui, il dit « Si nous parcourons le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la GQTA tenue le 3 octobre 2013, il est possible d'y lire. La vice-présidence aux affaires académiques exprime sa déception qu'un engagement ait été pris par la présidence quant à la validité des résolutions à la suite de l'AGA lors d'une perte de quorum alors qu'il existait déjà un flou. » Donc, il nous discute un peu de ce sujet. Choc. Choc. Et, parlant de Jean-François Chapdelaine, ou comme on l'appelle, Chaps Delaine, il anime à vos micros les lundis à 10h ici, même assez fou. Chaps Delaine, c'est pas comme le frère à Chapman, le gars qui fait la crème glacée? Ben, ça. Okay. I'm a Chapman. Wow. Revenons à la chronique loisirs, puisqu'on en a eu assez. de Mathieu, oui. Vous aurez la chance de faire des mots croisés Sudoku et de voir la superbe caricature de Alexandre Laramie, Zwicky, le petit Zwicky, illustré. Et malheureusement, cette semaine, je n'ai pas la réponse du mot caché, du mot mystère, donc vous allez être obligé de le faire. On a également le dernier. C'est le dernier? Mais non, pas du tout. C'est pas le dernier fantasme? Mais non, pas du tout. Fantasque, OK, je pensais que c'était... Je fais toujours les deux caricatures de suite. Désolé. Deux, cinq caricatures. Ouais. Moi, j'ai allé en ordre de gauche-droite. Ah, je suis pas un gars de même. Mais oui, c'est le dernier fantasque. C'est le dernier fantasque, malheureusement. Un bon... au moins 4 années d'expérience. Mais Mathieu va me contredire probablement à ce sujet. Hey, Mathieu, il sait même pas combien ça fait d'années qu'on a de Zone Campus, puis on est dans le numéro au volume 9, genre. Puis il dit que ça fait 8 ans qu'on fait le journal, fait que... Il connaît-tu ses dates, le Mathieu Plante? Non. D'Amérique, non. Le Mathieu Plante d'Amérique peut être vu dans son état naturel. Bon, bref, en tout cas. Surtout entendu et senti. Donc, dernier fantasque pour Hubert Sanson, allez voir ça, c'est la suite et fin. Et finalement, Jean-François Veilleux. Je voudrais quand même dire que le fantasque s'intitule « Meule de foin au coucher de soleil ». Comme la fin de Lucky Luke. Je trouve ça cocasse. Mm-hmm. Oui, c'est beau. Donc, Jean-François Veilleux, dans sa chronique « Je me souviens au pouvoir citoyen », nous, on est des Y. Mais oui, donc on parle encore des générations. Donc, il y a 2 ans, le Québec sympathisait avec le mouvement Occupy Wall Street de la haine contre le système monétaire opéré par le 1% des gens qui détiennent presque la totalité des richesses mondiales. Donc, même la région de la Mauricie a eu son occupant Trois-Rivières au Parc Champlain en octobre 2011. De là, entre autres, il allait naître notre vigoureux et stimulant printemps érable. Donc, il parle en gros de la réaction des gens de la génération Y et aussi une petite description de qu'est-ce qui caractérise la génération Y. Avant de passer en art et spectacle et en sport, on sépare toujours ça d'une petite chanson et on va revenir en actualité. Steph me voit venir, j'imagine. Mais les gens qui s'occupent des vêtements des patriotes, hein? C'est qui? Il y a un comité là-dedans, hein? Genre Danick Malouin, etc. Il y a aussi Gérane Dorval. C'est vrai, elle s'appelle Gérane Dorval. Ce qui me rappelle, tu sais, la chanson là, de Rouge Pompier. Là. Mettons, Anne Dorval. C'est à cause Gérane Dorval, tu sais, ça dit, c'est tout ouais. Le nom, c'est à cause. Con Gérard Dorval, qu'on a des nouveaux t-shirts. Le Patriote. J'ai la télé achetée dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que Pete de Chambre en ville, c'est une nouvelle. Le seul extrait présent à Cannes qui peut te faire applaudir, ça vient de là. Comme un étion dans une mission. Comment tu sais pas, mais c'est Anne Dorval. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai pu passer mon cégep. Rouge Pompier et Anne Dorval. Et il fallait corriger que Danick Malouin n'est pas un gars dans le comité des Patriotes vêtements, mais plutôt dans les... dans les joueurs. Pas un ancien, non. un joueur de hockey des Patriotes qui était dans le centre de haute performance et qui a participé à la photo. Donc, tant qu'à dire des affaires que tu sais pas, Mathieu. C'était pour faire un lien avec Gérard Norval. Mais pas que des menteries. Pas que des menteries. Ben, gars, c'est qui la journaliste ici? C'est toi. Donc, on va te parler à toi. La rédactrice en chef, c'est. Faut pas dire journaliste, hein, c'est ça? Non, je suis pas journaliste, je suis rédactrice en chef. Je peux rien faire de bien aujourd'hui. Donc, art et spectacle, commençons avec les soirées cachées, c'est fou, avec Kid Kuna. Ben oui, Kid Kuna qui a fait des ravages complètement. Le Benjamin Insulte est saccagé, ravagé. Je sais pas pourquoi ravage, ça me fait penser à des castors. Peut-être parce que ça ressemble à barrage. Barrage, moi. Raton laveur. Les amis de la forêt. Oui. Les amis ratons. Les amis ratons. D'accord. Donc, le 27 novembre dernier, c'est les soirées Cachées C'est Fou qui ont présenté leur premier spectacle de l'année. Mais là, on s'entend de l'année scolaire et non de l'année 2013. En accueillant l'artiste Kid Kuna. Donc, il a offert une solide prestation devant près d'une centaine de personnes dans une ambiance inusitée. Donc, il s'agissait d'une soirée réellement exclusive et privilégiée, puisque c'était la toute première fois qu'il donnait un spectacle complet en formule duo. Ben oui, c'est cool ça. On continue avec la chronique littéraire de Marie-Hélène Gauthier, c'est « Mieux vaut en lire ». « Mieux vaut en lire », le sabbat des éphémères d'Ariane Gélina. Donc, elle dit « J'ai eu cette semaine la belle occasion de me plonger dans les dédales de l'imaginaire d'Ariane Gélina, doctorante en littérature à l'UQTR. L'auteur, à l'aube de la trentaine, a déjà publié une quarantaine de nouvelles dans nombre de périodiques. Donc, c'est une étudiante ici à l'UQTR. Donc, je trouve ça le fun de voir que ces gens-là peuvent vraiment faire des beaux projets. » Tout à fait. Et j'ai reçu, en fait, on a reçu son livre d'Ariane Gélina. Et honnêtement, je voulais pas le partager. Là. Il est rendu chez moi, puis j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a l'air vraiment, vraiment très bon. Et je suis contente que par hasard, elle nous en parle à peine une semaine après. Génial. Et en passant, Ariane Gélina qui co-anime et participe à l'émission Le Voyage insolite les lundis soirs, ici même à C'est Fou. Oui, je suis tombée par hasard sur sa chronique littéraire et j'étais totalement fascinée. Cette fille-là est tellement éloquente et elle a l'air vraiment brillante. Donc moi, j'ai trouvé ça super fascinant de l'écouter. Donc, si elle écrit aussi bien qu'elle parle, ça doit être excellent. C'est vrai. Ensuite, on parle de la Ligue d'improvisation mauricienne. Il y avait un spectacle sur une scène particulière, une scène alternative la semaine passée. Ben oui, donc c'était le 3 décembre. La LIM proposait pour la première fois une scène alternative où les joueurs des Verts et des Blancs se sont affrontés. Donc, même si la scène était différente et aurait pu déstabiliser les joueurs, le public a eu droit à tout un spectacle. Donc, la scène, cette fois-là, était placée en U, donc les spectateurs pouvaient s'asseoir comme dans le creux du U. Je sais pas comment t'appelles ça, le coude du U, le derrière de genou du U. Donc, le but, c'est justement de déstabiliser autant les spectateurs que les joueurs pour apporter une dynamique différente. Ouais. Premier album pour Émile Proulx-Cloutier, Aimer les monstres. Je pense que les monstres sont quand même populaires ces temps-ci. Donc, on a beaucoup d'albums, de chansons avec les monstres. C'est in. Ouais. Comme Monstre Inc. C'est qui? C'est Clopelgay qui a un album avec monstres dedans aussi. T'as le groupe On a créé un monstre. Ouais, c'est ça. C'était les trois références. Pas mal les trois. Ouais. Ben, Kiki. Kiki. Qui m'ont fait dire que c'était très populaire ces temps-ci. Donc, mais oui, Émile Proulx-Cloutier, plus connu comme comédien, notamment dans les téléséries Toute la vérité, Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Donc, Émile Proulx-Cloutier a lancé le lundi 25 novembre dernier, donc c'est quand même récent, son premier album intitulé « Aimer les monstres ». Donc, le premier projet de l'auteur, compositeur, interprète raconte les histoires de personnages ensevelis depuis sa tendre enfance dans son imaginaire. Donc, on nous dit que ses chansons, c'est un peu comme des films. Donc, il va avoir beaucoup de descriptions et... Des images prenantes et différentes, comme si on écoutait un film. Donc, très important d'écouter les paroles aussi dans ses chansons. Mm-hmm, j'entends qu'il y a de bonnes choses à son sujet. Les frères Goyette, ensuite, patenter la musique. Ben oui, les frères Goyette, qui étaient à Trois-Rivières, au Centre culturel Pauline Julien, le 6 décembre dernier. Donc, ils étaient sur scène pour présenter leur tout dernier album intitulé « Fidèles, tenaces et frères ». Donc, c'était une soirée où la musique s'y nourrit du simple fait de patenter. Parce que en show, ils vont faire des sculptures avec tout ce qu'ils trouvent sur scène et c'est ça qui va inspirer un peu leur musique de la soirée. Donc, très intéressant de se laisser inspirer sur le moment comme ça. Mm-hmm. Et c'est tout pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports. Oui, donc en natation, on est proche d'une saison historique. Ben oui, ça va vraiment bien en natation. Pourquoi historique? Parce que il manque seulement une personne à se qualifier pour le championnat provincial pour que le l'UQTR ait enfin un relais. Parce que ça prend quatre nageurs pour faire un relais. Donc, il n'y aurait jamais eu quatre nageurs qui se seraient qualifiés pour le championnat provincial. Aussi, Caroline Lapierre-Lemire a reçu depuis longtemps son billet pour le championnat du sport interuniversitaire canadien. Benoît Boutet-Martineau et Alex Gélina qui viennent tout juste d'enregistrer leur temps de qualification lors d'une compétition civile présentée à Trois-Rivières. La fin de semaine du 29 novembre au 1er décembre, donc c'était le méga fier, ce dont on parle un peu plus loin dans le journal. Mm-hmm. Oui, puis le j'attends le oui, OK, parfait. Donc en volleyball. Les Patriotes continuent leur domination. Oui, donc après un premier tournoi parfait de 9-7 gagné en autant de tentatives à Chicoutimi, les Patriotes continuent sur leur lancée, passant au travers des trois autres formations de la Ligue universitaire de volleyball division 2 du RSEQ. Donc, le club trifluvien a néanmoins échappé à sa première manche de la saison aux mains de l'Inuk de l'Université du Québec à Chicoutimi. Comme quoi, il doit porter attention à n'importe quelle équipe du circuit. Voilà. Et, OK, bilan de, c'est le temps de faire le bilan de la mi-saison. Ben, OK, Jean-Philippe. Oui, si tu le dis. Ben oui, je te le dis. Donc, l'équipe de hockey des Patriotes a connu un lent début de saison, mais a maintenant le vent dans les voiles. Donc, elle accumule les victoires et connaît une bonne mi-saison. Donc, on nous parle un peu le classement et comment on s'enligne pour les séries. Et c'est tout. C'est déjà terminé. Wow, ben il y a beaucoup plus d'articles que ça, évidemment. On les retrouve dans le journal papier du 10 décembre 2013 au 13 janvier 2014. C'est le volume 9 numéro 8 du Zone Campus avec en couverture les vêtements des Patriotes. Il y a aussi le blog sur zonecampus.ca. Allez partager des articles sur Facebook. Twitter, Splash, Facebook. Moi, je veux vraiment le T-shirt dans le milieu que Gérard tient dans ses mains. Gérard Dorval? Ouais. C'est cool, Gérard. Ah, il me fait triper ce nom-là. Je trouve ça drôle. J'aime ça. Je trouve ça cool. C'est vrai que c'est cool. C'est vraiment pas pour l'offusquer. C'est vraiment juste cute. C'est vraiment cool. Mais c'est parce que, je veux dire, son nom fit moyen que ça fasse parce que Gérard, on s'attendrait peut-être pas à un aussi beau visage. Tu t'attendrais à une plante, c'est ça, vraiment. Comme moi, ouais, c'est Mathieu Plante, t'attendrais. C'est ça. Moi aussi, je comprends ça. Gars, mon nom, c'est Plante. Là. Fait que je te comprends, man. Ben. Woman. Jeune fille. Donc, sur le campus en kiosque, sur le campus de l'UQTR et un petit peu partout dans les commerces, les différents commerces de Trois-Rivières. C'est ça, Jean? Ouais, Jean. Merci, Stéphanie Paradis. De rien. On va terminer cette portion de l'émission avec une petite pièce de pendentif. Ils ont une nouvelle entrée sur le palmarès francophone, Jean-Philippe, et je dirais que c'est même en position numéro 18. Ben oui, Mafia Douce. Ouais, c'est comme ma salsa, hein, je prends ma okay. Mafia Douce. Je pensais que tu disais à Mathieu, genre, que c'était ta douce, Je sais pas. Ça, ouais. C'était bizarre. C'est pas Mafia Douce. Mafia. C'est douce. Mafia Douce. OK, OK. Ne pas dentif. Mafia Douce, c'est quand tu tues quelqu'un, mais vraiment très lentement. Genre. Très, très lentement. En le flattant, puis... Ouais. Tu le flattes jusqu'à temps que tu sois rendu au sein. J'attends la cerise, le dessert. La chantilly coule dans l'ambulance. Je déambule jusqu'à la prochaine danse. Je fais partie de la mafia douce, celle qui te taxe par petites touches. Il est trop tard pour tourner la veille. Je veux juste un baiser au bout de temps du sexe. Si je le suis, je serai resté à t'écouter chanter au bout de la nuit. Mafia douce de Pendentif. Au retour, deux chroniques de Sébastien Dulude. Non, pas une. Non, pas trois non plus. Mais si vous appelez maintenant... Aucun frais de shipping en plus. Au retour à Assemblage Ruki, reste là. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Ruki. Vous êtes toujours à Assemblage Ruki en ce mercredi 11 décembre 2013. Mathieu Planté, mon nom. Jean-Philippe Charbonneau est le mien. Ben, bravo. C'est un bon choix de nom. Ouais. Je trouve. Félicitations à tes parents. Merci. Ils ont fait ça comme ça. Exact. Donc maintenant, les fans de Sébastien Dulude vont être ravis. Parce que Sébastien nous a fait quelques chroniques. Il nous a préenregistré des chroniques. On lui a parlé un petit peu plus tôt dans nos studios. Lui qui a raté quelques fois l'émission. Donc on a comme quatre chroniques de retard. Donc on va en faire deux aujourd'hui pour compenser pour le manque de Lily Brunet-Saint-Pierre. Il va être de retour la semaine prochaine. Donc, commençons avec sa première chronique. On revient à l'époque où il voulait nous jaser un petit peu plus de trash. Mm-hmm. Donc, je me souviens. Oui, hein? Celui-là, même celui-là, tu vas t'en rappeler très bien. C'est toi qui l'avais lu en ondes. Ah! C'est exactement. Ou l'autre d'après. Bref. Donc, voici Sébastien Dulude et Va voir ailleurs, j'y suis. Et on reçoit Sébastien Dulude pour sa chronique Va voir, j'y suis. Salut Sébastien. Salut Mathieu. Hey, ça va bien? Oui, ça va bien. Puis je suis content d'être là devant toi. Je suis content de t'avoir, un vrai privilège comme toujours. Et là, aujourd'hui, ta chronique s'appelle Trop facile. Ouais, trop facile parce que ça m'agace. C'est des choses qui m'agacent. Okay. C'est une petite réflexion qui. Je me rappelais un vieux souvenir. Un soir, je donnais un show. Je me souviens pas exactement c'était où. Je pense que c'était au Zenob. J'avais un band de noise expérimental à l'époque qui s'appelait The Band Called Fly Like an Eagle. Like you never do before. Oui. Tu t'en souviens, hein? Alors, puis j'ai réalisé pendant le show que je prenais plus ça au sérieux. C'était un projet de musique qui était sérieux, là, malgré le nom, tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais comme rendu au bout. J'avais fait le tour. J'étais carrément en mode pilote automatique, mais ça, c'est live. Tu t'en rends compte en train de jouer pendant le show. Puis on était comme supposé être le groupe, là, tu sais, un peu weird, super intense dans la région. Puis pendant le show, j'ai comme eu ce sentiment-là. Puis ça m'a frappé fort. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, c'est un sentiment d'être un dilettante, là, de faire de l'art comme sans vraiment être animé par ça. Et puis c'est comme une imposture en fait, c'est, qui m'a donné l'impression que je donnais un show sans conviction. Et puis en même temps, tu dis des musiciens talentueux dans la région, tu sais, qui n'ont pas l'occasion de jouer devant, tu sais, jouer devant les gens, c'est un privilège. Oui. Donc ça m'a vraiment frappé. Donc, j'ai arrêté de donner des shows de musique pendant un bon moment après ça. Le feu, là, ça m'est revenu comme beaucoup plus tard, je dirais peut-être 2 ans. Il y a un autre projet de Mongol qui s'est dessiné, puis je suis sauté dessus. À pieds joints. Puis, c'est ça. Maintenant, quand je me présente sur scène, il y a des gens qui crient ou il y a des gens qui s'en crissent, mais c'est la même chose au bout du compte. Puis, je m'assois, je suis au drum, puis je frappe. Puis, je frappe comme genre de toutes mes forces, comme si ma vie en dépendait. Avec tout aussi toute l'arrogance que ça implique, parce que c'est vraiment, vraiment un privilège d'être sur une scène à faire de la musique devant des gens. Puis, ben, c'est ça. Comment on fait ça? Donner un show, tu sais, ou montrer un film, montrer ses sculptures, danser devant les gens, leur lire tes poèmes, faire une pièce de théâtre. Comment on fait ça, tu sais? Dans le contexte où une grosse moitié, là, la grosse moitié obèse de la population, tend à penser que les subventions aux artistes, tout ça, c'est du BS de luxe. Donc, dans ce contexte-là, tu sais, la population se fâche. Si, mettons, genre, ta toune, elle parle comme un peu en mal de ta ville. Ouais. Tu sais, je sais pas, il y a un Coressant là, par rapport à Fermont. Là. Puis en plus, l'autre tweet à Vallière qui s'en va s'excuser après ça. Là, c'est comme, hey, pas peur, on va t'aimer encore. Hein? Inquiète-toi pas, petit bit. Mais en fait, c'est ça. Ça prend du front pour donner un show. Ça prend de la gueule. Ça prend des couilles. Ça prend des bras. Ça prend une colonne. Ça prend du cœur. Je pense qu'on comprend ma métaphore. Un corps au complet. Voilà. On voit où je veux en venir. Mais quand même, c'est ça, c'est significatif, toutes ces parties du corps-là utilisées pour décrire... en fait, pour décrire carrément une espèce d'éthique quand tu fais de l'art. Une façon d'être quand tu fais de l'art, d'incarner vraiment son œuvre. Incarner, c'est incarner dans la chair. Oui. C'est ça l'origine du mot. Donc, il faudrait que vraiment ça soit aussi concret que genre tes jointures qui viennent d'enfler après avoir maudit un coup de poing dans du Jiproc. Ça, c'est concret. Mais moi, c'est ça. Je tolère plus rien en bas de ce critère-là. Moi, je veux juste ressentir, si je vois un artiste, si je vois son travail, si je le vois live devant moi, je veux sentir qu'il a bûché. Le résultat, il peut être imparfait. Ça, c'est pas si important tant que c'est vrai, tant que ça se passe devant moi puis que c'est vrai. Parce que l'art, il, de toute façon, il est pas fait pour être parfait. Il est pas là pour, genre, juste fitter avec tes meubles, pour mettre de l'ambiance. Ah, ça s'écoute bien, ça s'écoute bien. Mais ça s'écoute bien. Non, l'art, c'est là pour transmettre quelque chose de vrai, quelque chose de vivant, que les spectateurs, que les lecteurs vont ressentir à leur tour. C'est comme ça que ça se passe, que ça se transmet. Et... ceci dit, ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir souffrir, tu sais. Je veux dire, c'est pas besoin d'avoir comme gravé ton poème sur tes avant-bras avec une lame de rasoir ou bien composer ton album pendant que tu étais séquestré dans le cachot d'un prédateur sexuel. C'est pas nécessaire. C'est valable. C'est un bonus, tu peux le faire pareil. Moi, ça m'intéresse. C'est ça. On s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est valable de vouloir transmettre autre chose que de la souffrance. Mmh. Tant que c'est vrai. Mais si ton œuvre coule de toi aussi facilement que le Purel dans les mains d'une esthéticienne... Ben non, merci. J'en veux pas. On m'a déjà assez saoulé avec cette eau claire et stérile comme une rime facile sur le bord de la Seine alors que j'ai de la peine. Ah, oh, t'es bon. Non, non. Facile, ça. Okay. Mais oui, je suis bon. Ma barre est basse, mais je serais très bon. OK. Donc, ça, c'est l'espèce d'amorce de ma réflexion. Et là où je voulais en venir, c'est que le trash, pour moi, c'est le nouveau Kétan. Je m'explique. Je veux amener une nuance qu'on n'entend peut-être pas assez souvent. Je pense qu'on comprend bien de mes propos que, genre, à ma fête, tu m'amènes pas voir Dominique et Martin, c'est pas mon genre. Tu m'inscris pas aux anges de la rénovation, là, si je te dis que mon appart, je suis un peu tanné. T'invites pas mon band à jouer dans un 5 à 7 de la chambre de commerce. Puis tu me demandes jamais si j'ai rencontré Raphaël Germain dans une soirée de poésie. Non. Je la connais pas. OK. Je m'en fous. Je connais pas non plus. Mais donc ça, c'est clair. C'est simple. Mais voici ma nuance. C'est que le facile cheap, ça existe pas juste dans les quêteneries commerciales. C'est sûr que les quêteneries commerciales, c'est cheap et facile, mais ça existe ailleurs. Il faut en fait savoir reconnaître le facile partout puis être absolument intransigeant. Ça peut être super cool, tu sais, mais si c'est facile, faut être capable de le dire. Tu peux évoluer à un moment donné dans des milieux artistiques là, les plus sacoches, mais tu vois de la facilité partout, puis ça devient banal malgré tout. Tu sais, bon, il y a des gens comme bien importants, bien big, tout ça, mais à un moment donné, une œuvre facile, c'est une œuvre facile, puis ça m'énerve. Tout peut devenir banal. Et c'est là où je veux en venir, même le trash devient banal. Même ta toune de dégueulage à Rio Ontario ou ton vidéo de fille décalissée qui se French, ton rap battle là, qui sonne comme un cours d'anatomie, ton Tumblr où tu cock slap des Pères Noël de centre d'achat. Ah oui, non, c'est classique. Je voudrais voir ça. Okay, ouais. Mais c'est sûr que ça existe en fait. Cock-slapping Santa Claus. Ouais. Tumblr. Récemment, il y avait un exemple plus concret à Québec. C'était un projet de performance où le gars laissait entendre qu'il allait kidnapper des enfants. Là. Ça, c'est... OK. Tu sais, du trash pour le trash, du trash agaste. Juste pour provoquer le monde. Ouais, c'est ça. Hmm. Du trash facile, ça existe aussi dans ce registre-là. Pour moi, le trash, c'est comme le Kéten. Et d'ailleurs, c'est pas le problème en soi. Le Kéten aussi, on peut... Tu sais, il y a une raison à tout. Le trash, c'est la même chose. Le problème, c'est quand il manque d'imaginaire, tout est dans l'imaginaire. Il faut qu'il y ait une recherche. Il faut nous amener ailleurs. Il faut qu'il y ait du travail. Le reste, c'est du langage, c'est des matériaux. Ça, c'est des gros morceaux, c'est sûr, mais... c'est rien, ça, sans le contenu. Et si t'as rien à me proposer, si t'as pas de contenu, compte pas sur le trash pour attirer mon attention. Et c'est là où je veux en venir. Dans 10 ans, là, ou 5 ans, là, ou peut-être le mois prochain, là, ton petit truc trash, là, il va être aussi usé qu'un sitcom avec Gilles Latulippe. Hein? Ça, c'est usé, tu sais. Ben, c'est ridé. Brillant, là. Ouais. C'est rien. Ah, c'est rien. C'est rien. C'est ça. C'est rien. Ceci dit, ça m'arrive de réagir au trash et d'en être authentiquement dérangé. Moi, en fait, j'adore ça quand ça se passe. Et dans ma prochaine chronique, Mathieu, moi, je te parlerai d'une sélection de quelques morceaux trash qui valent la peine, du trash qui marche. D'ici là, si t'as des idées à me suggérer, tu peux toujours me faire parvenir à mon courriel, sebastiendulude@commercial.gmail.com, et j'accepte les photos de ta snatch. Eh oui, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. Non. Ouais, c'est ça. Du trash, on va donner des exemples dans la prochaine chronique, ouais. Là, mais on veut savoir qu'est-ce que tu trouves facile, qu'est-ce que tu trouves difficile, dans le fond, ben, c'est ça, je vais vous amener surtout sur des pistes de trash qui marchent, quelque chose qui a une raison pour qu'on l'utilise. Ouais. C'est comme la quétaine, on peut vouloir l'utiliser aussi. Là. C'est ça. C'est juste, si c'est ton petit truc pour rendre ça intéressant, mais au fond, c'est banal, c'est facile, sorry, on ne tente plus. Et voilà. Donc, on s'en reparle. Sébastien Dulude, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On est dans Zone Campus sur 2 semaines et sur zonecampus.ca. C'est vrai. À bientôt. C'était Sébastien Dulude. Et sa chronique est trop facile. Et cette semaine, ben, on a le privilège d'avoir 2 chroniques en même temps. Ça, c'est jamais entendu à la radio. Jamais entendu 2 fois Sébastien Dulude. Donc, allons-y avec une 2e portion de Va voir ailleurs, j'y suis. Et on reçoit Sébastien Dulude pour sa chronique Va voir, j'y suis. Et la semaine passée, on a parlé de choses qui étaient trop faciles dans la vie. Oui, c'est vrai. Et tu avais dit que tu allais nous suggérer quelques affaires trash, mais tu sais, trash pas facile, difficile. Ouais. Ben en fait, aussi, j'avais eu une petite montée de lait. Ouais. Sur du trash facile. Des affaires, à un moment donné, tu sais, ça. Si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Tu mets pas la petite sauce trash par-dessus pour rendre ça intéressant. Puis finalement, je fais comme, ben ouais, qu'est-ce que j'aime dans le trash? Ça a été quand même difficile. J'avoue que c'est pas mon genre. Et j'ai quand même creusé pour nous trouver quelques trucs trash. Okay. Ça couvre évidemment pas tout le territoire, mais des affaires que je voudrais dont souligner l'existence de certaines pistes qui m'apparaissent. Voilà. Une cueillette sélective de poubelles. Une cueillette sélective de poubelles. Oui, c'est ça. Cool. Cueillette sélective de poubelles. Pour 2 semaines, mettons. Comme dans Zone Campus. Excellent. Allons-y. Alors, quelques petits trucs trash. Parce que c'est ça. Récemment, j'exprimais une lassitude devant l'usage outrancier du trash qu'on saupoudre à toutes les sauces pour rendre un banal vraiment souvent très navrant là, pour essayer de rendre ça un petit peu piquant. Pourtant, donc, je suis loin d'être opposé au trash. Je pense que c'est une esthétique nécessaire et il m'arrive encore parfois de réagir au trash. Voici donc quelques pistes de trash qui marchent. Le film Laurency, as-tu vu ça? Non, Laurency. Pas facile à trouver, mais ça existe. C'est un film de 2011 et c'est peut-être, de mémoire, le film québécois le plus difficile que j'ai vu de ma vie. Il met en scène un Montréalais de 28 ans qui s'appelle Louis, qui vit une sévère crise d'identité. Cette crise-là se manifeste par des comportements erratiques, antisociaux et de plus en plus agressifs qui convergent vers une grave obsession que Louis développe à l'endroit de son voisin qui est anglophone. Le personnage de Louis est en manque total de repères, il est désensibilisé complètement dans ses relations, on sent qu'il est vraiment plus là, et il est absolument frustré par l'altérité anglophone. Et en fait, c'est ça, c'est que l'anglophone, lui, il vit sa vie très très bien, comme Montréalais, semble émancipé, bon, il a du plaisir, là, tu sens qu'il se la pète, il est bien dans sa vie, il est bien dans sa peau. Et donc, ça cause une grande frustration à Louis, et donc on le sent que ce personnage-là est aliéné dans sa condition de mâle blanc francophone. Québécois. Une scène extrêmement pénible et très explicite du film montre Louis qui se masturbe devant de la porno. Rien de trop surprenant jusqu'à maintenant, mais la scène est extrêmement longue, aucunement érotisée. Vraiment, c'est comme la caméra bouge pas, puis rien de vraiment excitant autour de cette scène-là. Et la séquence devient vraiment insupportable tellement que, en fait, c'est parce que la solitude du personnage puis son obstination vraiment violente, là, tu sais, à arriver au bout, tout ça vraiment nous rend parfaitement mal à l'aise. Mais l'ensemble du film va encore plus loin que ça, mais c'est une scène vraiment forte du film. Mais le désespoir de Louis, on nous le montre un peu comme symptomatique d'un malaise québécois généralisé. Et en fait, ce qu'il faudrait comprendre du film, je crois, c'est qu'on... Individuellement, on pourrait se reconnaître en Louis, qui est un espèce de citoyen type de la Laurency. Donc ça donne le nom au film. La Laurency, c'est une façon de parler du Québec francophone. OK, ça n'a rien à voir avec les Laurentides. Mais c'est un peu le cœur, justement. C'est le côté très nationaliste, un peu. C'est au début des années 1900 qu'on a commencé à utiliser ce vocabulaire-là. Donc vraiment, le Québec profond, francophone, catholique. Donc la forêt laurentienne serait un peu le symbole de ça. Donc la Laurency, ça serait notre Québec blanc, franco, catholique. De souche pure laine Capelle, mais tu sais, qui n'est pas vraiment... Exactement. Donc, dans ce personnage-là de Louis, qui serait comme le citoyen type de cette Laurentie, il faudrait donc qu'on s'y reconnaisse. Donc, le film, à travers Louis, montre un Québec qui est profondément déphasé entre ses aspirations collectives, donc tous nos grands projets collectifs. Et ça, dans le film, on le montre bien, parce qu'en chaque chapitre, il y a des poèmes de Gaston Miron, donc poésie engagée sur la société québécoise, bon, tout ce qu'on pourrait être et devenir. Donc ça apparaît dans le film. Donc, un déphasage entre ça et les détresses individuelles, donc celles en particulier vécues par Louis. Et pourquoi le film est trash? C'est parce qu'il passe par cette laideur-là, vraiment très, très crue, pour nous ouvrir les yeux sur une perspective sociale plus large, qui serait vraiment accablante, que nous partageons forcément tous, parce qu'on fait partie du même territoire. Donc, Laurency propose une lecture très, très sévère de notre identité québécoise, qui serait, selon les réalisateurs, fondée sur l'échec de nos projets collectifs. Et cet échec-là, là, qu'on ressent, l'échec d'avant, de maintenant, ça engendrerait un sentiment violent d'aliénation et surtout d'intolérance aux autres. Et pour nous amener à réfléchir sous cet angle, les réalisateurs ont pris le pari de montrer Louis dans des situations où notre malaise devient si grand qu'il veut pas se transforme en empathie. On a comme la pitié de l'empathie pour ce personnage-là et on est absorbé dans cette réflexion-là. Une fois qu'on a emprunter ce détour, on va partager en quelque sorte la violence que Louis s'inflige, à lui d'abord, et ensuite il ne reste plus qu'à le regarder passer au next level de ses frustrations chez le voisin anglophone. OK. Ouais. C'est là où ça va. J'arrête là-dessus, je ne veux pas spoiler rien. Mais voilà, ça c'est un exemple pour moi de quelque chose qui m'a vraiment, vraiment frappé et c'est cru. C'est cru. C'est pas un film facile. C'est vraiment pas un beau film, c'est un bon film. T'as pas vraiment de mood à avoir pour regarder ce film-là, faut juste que tu sois prêt à affronter. Ouais, c'est un mood. Sale chaos. Ouais, genre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment excellent. Laurency, un film de 2011, ça existe en DVD. Ensuite de ça, autre exemple, les tunes trash de Mon Oncle Serge. Oui. Un peu facile comme exemple, mais ça m'apparaît incontournable. Moi, j'adore Mon Oncle Serge, ça, j'ai pas de misère à l'admettre. Par moment. mais j'ai une anecdote vraiment cool. C'était au Francofolie, ça fait 10-12 ans, puis il y avait Mon Oncle Serge en show. Je pense que c'était au Spectrum. Puis, pour présenter une de ses tunes très connues, là, vous allez la reconnaître, il nous a raconté que souvent dans la rue, il se faisait aborder par des gens qui disaient hey, j'admire vraiment ta capacité là, d'amener tes propos à un deuxième degré, là, tout ton côté de trash, là, mais ça nous fait réfléchir au deuxième degré. Et Mon Oncle Serge nous a répondu en hurlant, il raconte l'histoire, puis il dit mais moi, je dis non, il n'y a pas de deuxième degré, puis cette tune-là s'appelle Fourré. Alors, tu sais, vraiment, genre, il n'y a pas de deuxième degré. Puis, tu fais comme, peut-être qu'il n'y a pas de deuxième degré, ouais. Tu sais. Nous, on le fait, mais peut-être qu'il y en a pas. On suranalyse, hein? Peut-être qu'on suranalyse. Mm-hmm. Mon oncle Serge, c'est un personnage. Il est vulgaire, il est baveux. Et on le sait qu'il est à l'opposé de Serge Robert, de son vrai nom. On le voit passer récemment, tout le monde en parle. Il parle politique, classe, là, tu sais. Mais c'est un gars timide, ça. Ouais. Il est vraiment pas quelqu'un qui essaie d'épater la galerie, mais tu sens qu'il a des intérêts, philosophie, la culture. Il s'exprime quand même bien, tout ça. On sait que son personnage est un personnage, justement. Mais ce mon oncle-là, il sévit depuis tellement d'années avec la même constance, je veux dire, il lâche pas le morceau. Il refuse systématiquement aussi de s'extraire au-dessus des questions qu'il touche. C'est comme s'il soulève un problème, mais il va pas voir la solution. Il fait juste comme patauger dans le problème. Ça existe là, je vous en parle, mais je sais pas comment le régler. Okay. C'est ça, exactement. Fait qu'on peut se demander si carrément sa démarche c'est pas justement de se situer comme au degré zéro du trash, du vulgaire, puis du con. Ouais. Mon oncle Serge, pour moi, c'est vraiment... Il est vraiment fascinant. Ça, c'est le gars, genre, qui va chanter... sa toune, je chante pour les morons. Oui, il va la gueuler devant une foule. Puis dans la foule, il y a comme quand même c'est des morons. Les morons, il y en a vraiment des vrais, de vrais. T'sais. C'est aussi celui qui va mordre la main qu'il nourrit quand il insulte les auditeurs de Radio X, quand il est en entrevue à Radio X. J'ai pris ça à radio une fois, c'était très drôle. C'est aussi celui qui rappelle au Québec que ses héros, nos grands héros québécois, ils valent pas mieux qu'un lutteur obèse là, qui se bourre de poutine après un match. ça fait penser... En fait, ça fait référence à un de ses vidéoclips sur la langue française. Mon oncle Serge, pour moi, c'est une catharsis impitoyable de tout ce qui nous fait honte. Ça prend un personnage genre, qui va comme digérer tout ce qui nous fait honte. C'est un peu comme un cirque romain où on s'en va comme jubiler devant des lions qui charcutent des malheureux. Puis ces malheureux-là, ben, ça pourrait être comme nos voisins carrément. Ça pourrait être carrément nous autres. Ça, c'est le phénomène miroir. Donc, mon oncle Serge, c'est ce phénomène-là où de catharsis. Alors ça, c'est un autre aspect. Et je voulais terminer avec du trash trifluvien. OK, ça existe? pas très trash, Trois-Rivières. À part Full Blood, mettons. Pas très trash. Il y a ceux-là. Il y a quelques démarches comme ça, mais j'en ai identifié quelques-unes. Mais clairement, ça domine pas l'espace artistique, le trash. Puis c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. On voudrait pas que ça soit que ça non plus. Mais ça pose des questions intéressantes. On peut se demander si les artistes sont peut-être trop frileux pour se frotter au trash ou encore plus troublant. Peut-être qu'on aurait peur de froisser le public, froisser les médias. Oui, et le public est âgé à Trois-Rivières, hein, quand même. C'est ça. Donc ça, c'est une culture où... On peut très bien passer dans les médias et puis, à un moment donné, si on essaye quelque chose d'autre comme artiste qui sort là, un petit peu du registre où on est habitué, alors tout d'un coup, les médias, ils disent « Ah, j'ai pas vu. Moi, je suis chaud, là. On n'en parlera pas. On n'a pas entendu parler. » En fait, c'est ça. On sélectionne beaucoup. C'est un réflexe qu'on remarque ici. Mais c'est ça, c'est les petits milieux. Ça va comme ça. Mais donc, il y a des cas d'exception de trash valables à Trois-Rivières. Et donc, je voudrais en mentionner deux. Une, d'abord, c'est le travail hors norme du duo Camaro. Oui. Ça, c'est un combo de musique. Musique et spoken word, improvisé. Donc, c'est vraiment du texte improvisé. C'est formé de Pierre Brouillette-Hamelin aux instruments et Alexandre Dosti au texte. Puis en show, sur un fond musical genre post-rock, pop-rock, là. Sur cette musique-là, Dosti va inventer des histoires poétiques qui sont complètement déjantées, des fois poignantes, émotivement poignantes, mais surtout toujours dérangeantes. Et la trame de ces histoires-là se déroule presque toujours là, dans les confins glauques là, de la vie très, très, très, très, très, très ordinaire. Leur album live qui s'appelle « Correct pour chauffer », on aime bien ça. Leur nouveau s'appelle Presque Elvis. Mais correct pour chauffer, hein, c'est un coup de cœur. Ça a été récompensé par le prix Gaudreau de la relève artistique au Grand Prix culturel 2013. Et ça, c'est un choix qui est loin d'avoir fait l'unanimité dans les milieux. Surtout considérant, si on regarde la liste des trois formations qui étaient en liste pour le prix de la relève, il y avait également les productions de la 42e rue qui font de la comédie musicale. Pas le même genre. Hein? Plutôt gentil. Oui. Et les Bears of Legend qui font du folk plutôt amérindien. Ouais. Ben folk comme tout le folk en ce moment. Anglophone. C'est ça. Mais évidemment, ça fait pas l'unanimité. Mais moi, ce que j'ai bien aimé de tout ça, c'est sentir que le prix s'appelait Gaudreau en hommage à Jean-Marc Gaudreau qui est décédé récemment. C'est un artiste plutôt de la tranche rebelle. Et je pense que lui aurait été content de la controverse autour du prix et du fait que le duo Camaro soit les premiers à recevoir le prix qui porte son nom. Une autre démarche trash à Trois-Rivières qui m'intéresse beaucoup et dont je veux vous parler, c'est en art visuel. C'est la démarche d'Annie Pelletier, qui, elle, fait dans la sculpture, dans l'installation, comme des espèces de constructions de sculptures où on se promène dans un environnement créé. Et plus récemment, elle fait du design mobilier, donc créer des meubles. Et elle apprend... les meubles sont faits de matériaux récupérés, assez incongrus. C'est pas nécessairement des pièces, des poignées, mettons, des meubles. C'est pas nécessairement des poignées au départ. Donc, tout ça est détourné. Mais ces meubles-là laissent vraiment pas indifférent. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça prend le mot « trash » au pied de la lettre. Vraiment le côté « vidange ». Ça prend des vieux objets puis utiliser des poubelles. C'est ça, exactement. Et là, elle le détourne pour en faire du néo-trash. Donc, faire du neuf avec du vieux. Et puis, donc, elle assemble des pièces qui sont vraiment insolites, mais fonctionnelles. C'est des vrais meubles, ça sert. Et c'est-tu beau? Quand même! Moi? Mais... c'est néo-trash, c'est pas trash, c'est néo-trash. C'est quelque chose qui fonctionne bien là-dedans. Surtout, c'est qu'elle questionne le concept de beauté, justement. Et puis aussi, entre art, tu sais, le grand art, et le design, et la déco, tu sais. Un artiste, peux-tu faire des meubles pour comme ça soit beau dans ton salon? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le but est de l'afficher dans une présentation, une exposition, ou est-ce que c'est de le mettre dans la pièce principale à la maison, dans un salon? C'est ça qui est le fun, elle squatte les deux. Elle va exposer ces meubles-là dans des galeries d'art, mais tout ça, après ça, se ramasse chez les gens. C'est acheté, ça. Mais des tableaux, comme des disques aussi. Quand elle se promène sur cette frontière-là, puis ça, c'est assez intéressant. Mais c'est surtout que les gens vont comme acheter une œuvre d'art qui est faite d'affaires recyclées, qui vaut comme que dalle. Rien, oui. C'est pas des super beaux morceaux individuellement, mais assemblés, tu fais comment? Il est curieux, ce meuble-là. Il y a vraiment des belles pièces aussi, ben franchement. Et dans tout ça, la sculpture est hallucinante. La soudure, la façon que c'est assemblé, là, c'est top qualité. Ça, les mains de cet artiste-là sont fantastiques. Donc, c'est sûr, ça crée des meubles de qualité. Mais c'est les matériaux, hein. C'est vraiment, et d'amener ça en galerie d'art, ça grince un peu. Hein? Elle enlève les gommes, j'imagine, en dessous des tables, oui, tout ça quand même. Tout est, non, tout est bien mis, repoli. Ouais. C'est hot, un sculpteur qui a un grinder dans les mains. Puis, vraiment, c'était à souligner. Sinon, c'est ça. Il y a quelques autres affaires, évidemment, mais souvent, à Trois-Rivières, on a l'impression que tout est plus blanc que blanc. Et je me disais, peut-être si la commission Charbonneau se penchait sur Trois-Rivières, ils vont finir par s'intéresser à la politique municipale trifluviale. Ben, en entendant tout ce qu'on va sortir de nos propres vidanges, peut-être que les artistes vont comme avoir des idées un peu plus sales. Peut-être que ça inspire un peu plus de trash. Puis, bon, c'est pas que je le souhaite, mais pourquoi pas, tu sais? Parce que des fois, je me dis comme, Trois-Rivières, culturellement, ça a quasiment l'air d'un hôpital. Alors, on aurait peut-être besoin un petit peu de se ressalir les mains. Ben oui. Pas de temps en temps. S'ouvrir l'esprit un peu à des choses comme ça. L'esprit. Aller voir Full Blood en spectacle aussi quand ça arrive. C'est ça. Il y a plein d'affaires trash. Du trash, écoute, un mercredi soir à Chasse-Galerie, c'est trash assez, ça. Genre, là. Mm-hmm. Ben oui. Ben ouais. Donc voilà, des exemples de choses trash. Et ceux qui veulent voir la photo du meuble dont tu viens juste de parler, sur le blog zonecampus.ca, tu peux sélectionner dans la petite boîte hauteur, filtrée par hauteur, tu choisis Sébastien Dulude, puis tu scrolles un petit peu, puis ça va arriver. C'est ça, on a mis la photo d'un meuble. C'est un curieux meuble. Ouais, curieux meuble. Merci Sébastien Dulude, à la prochaine fois dans Voyeur, j'y suis. Un grand plaisir. À bientôt. Merci. C'était Sébastien Dulude et une deuxième chronique, celle-ci sur le trash, quelques trucs trash. Oui. On a encore deux autres chroniques de retard à reprendre, donc dans les prochaines journées. La semaine prochaine, je vous dirais, on va se garder les deux autres chroniques pour être à jour. Up to date, comme qu'ils disent. Et voilà, comme Windows. Comme AVG. AVG. Ce qui veut encore que je redémarre. T'es pas sérieux. Je te jure. Tu me niaises. Ouais, je te jure. Je me demande si quand on le redémarre, après ça, il s'efface la mise à jour. D'après moi, oui. Parce que là, ça n'a pas de sens. Pas mal ça. J'ai les bras me tombent, Mathieu. Je suis rendu un homme tronc. Un homme tronc, mais ça te fait bien. Merci. Un méchant beau tronc. Donc, Sébastien Dulude et sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. On le retrouve d'habitude aux deux semaines ici à Assemblage Requis. Surveillez ça, on va vous en reparler les prochaines fois qu'on va en faire jouer un petit peu à l'avance. Et sur zonecampus.ca, comme on l'a dit. Oui, monsieur. Voilà. Pour l'instant, avant de. Mais enfin, on va aller en pause tout de suite, puis ça va être fait. Oui. Hein? On revient juste après avec la chronique Sex, mais ça devrait répondre. Mm-hmm. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Et JP, justement, Jean-Philippe, Colin, à chaque semaine, on te rend un hommage. Oui. T'sais, un fromage. Un fromage. Parce que t'es un gars qui aime les activités. T'sais. T'aimes ça. T'es impliqué partout. Tu t'inclus. Pas tu t'incrustes, là, mais quand même. Je suis inclusif. T'es très inclusif. Les bras grands ouverts. Et à chaque semaine, on te présente les péripéties de JP. Oui. Donc, les voici. Épisode 4. Les péripéties de JP, épisode 4. Oh, mieux. Oh, ah, chaud. Oh, c'est bon ça. Oh, oh, ouh, oh, incroyable. Oh, voilà. C'était JP qui mangeait des ailes de poulet. Barbecue, évidemment. Au début, petit moment de déjà vu. Oui, voilà. C'est la même chose que la semaine passée. Oui, mais la fin est différente. Oui, parce que la semaine passée, c'était que JP faisait des petits, un petit regard à Mathieu Plante. Oui. Et là, tu manges des ailes barbecue et ça te fait le même effet, faut croire. Ben oui, écoute, que ce soit toi ou des ailes barbecue, qui verrait la différence? Même combat. Même combat. L'important, c'est de recracher les os. Eh oh! Voilà pour les péripéties de JP. Épisode 5 la semaine prochaine. Oui. Ce sera d'autre chose. Ce sera d'autre chose. D'autre chose. Toujours aussi passionnant. Toujours. C'est ma vie. En fait, vous l'avez bien. C'est comme un téléroman, tu sais. Oui. Ouais. On dirait un soap. Oui, bien propre. Oui. C'est propre ici. Un soap d'aile de poulet. Un soap. Un soap! Avant de continuer avec Sam Smith, ça devrait répondre là. Petite chanson de Bradycardi. Rapido. Rapido. La caravane. Ça, c'est quoi? Caravane. On n'a pas joué de musique depuis un bout. On mérite ça. Écoutons ça. Okay. Avec la caravane. Oui, la caravane, ça me rappelle, tu sais, les petites caravanes à crème glacée. Là. Oh, ça. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vite, ça va. Ah, ah, ah oui. Oh. Mathieu, il faut que j'y aille, j'entends la crème glacée. Ok, ah, sors ton petit change, puis tu vas pouvoir en profiter pour payer les produits que tu vas acheter dans Sexist, mais ça ne devrait pas. Là. Bien dit. Pas pire. Hein? Ready? Ah! C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin d'acheter, mais qui nous font plaisir. Oui. Comme une machine à crème glacée avec des petits sprinkles. Oh, là, là, là, là, là. JP se magasine ça. Moi, je pense qu'au bureau, à place de demander une machine à café, on va demander une machine à crème glacée. À crème glacée, bah, écoute, toutes les demandes sont permises. Ça veut pas dire que ça va être accepté. Exactement. commençons avec une paire d'écouteurs. T'as déjà souhaité sûrement dans ta vie, JP, que tes écouteurs deviennent Bluetooth. Oui. Pour que ton téléphone puisse te servir d'écouteurs et pas être branché dans ton téléphone. Oui. Donc, c'est bien normal de vouloir ça. Et bien maintenant, vous pouvez, c'est le Clipper de chez Muse Mini qui peut faire ça pour vous. C'est un appareil de 1,625 pouces de diamètre qui se connecte via Near Field Communication ou Bluetooth à votre téléphone. Ça vous permet de brancher n'importe quelle paire d'écouteurs avec une prise 3,5 mm dans le Clipper et écouter votre musique sans fil. Le Clipper a des contrôles inclus qui vont vous permettre de changer le volume de pièces, de musique, etc. Il y a un polymère de caoutchouc spécial qui recouvre l'appareil et ça vient avec 5 différentes couleurs. Il y a un microphone intégré qui va vous permettre d'utiliser votre Clipper comme pour répondre à des téléphones, à des appels téléphoniques, même si vos écouteurs, eux, n'ont pas de micro. Intéressant. Pas pire, hein? Oui. Clipper, tu mets ça sur ton chandail, sur ta veste, ton manteau, n'importe quoi. Puis si tu te promènes dans la chaise, direct sur le poêle. Direct sur le poêle. Ouais, ouais. Ah, c'est malade comme petit gadget. C'est comme une genre de hockey, tu branches les écouteurs dedans à la place, c'est bon. Oui. Ensuite. Votre porte de garage, vous savez, c'est un gadget. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça changer ben depuis les dernières décennies, les petits trucs à ouvrir les portes de garage. Non. Comme un gros bouton. Oui, tout le temps. C'est laid. C'est laid. Donc, les téléphones intelligents qui remplacent la plupart des produits de nos jours, maintenant, ils vont pouvoir remplacer les trucs pour ouvrir les portes de garage. C'est Garagio. C'est une petite boîte qui s'installe dans votre garage. Et qui, dans le fond, communique avec votre appareil, avec votre truc que vous avez déjà pour contrôler. Attends un peu. Ça se connecte avec votre truc que vous avez déjà pour ouvrir votre porte de garage. Et ensuite, en utilisant l'application Android de Garagio ou encore sur iOS, donc c'est disponible pour les deux, vous allez pouvoir contrôler votre porte de garage de littéralement n'importe où dans le monde avec une connexion Internet, OK? Wow! Donc, votre truc d'ouvre-porte... Dans, mettons, moi, je suis à Québec. Oui. Toi, t'es à Montréal. Oui. Tu dis, JP, j'ai oublié ma clé. Pas de problème. C'est fantastique. Fantastique. Et en plus, il y a aussi la notification par push. Comme ça, si la porte est accédée par quelqu'un d'autre ou que vous oubliez de la fermer, ça va vous le dire. Wow. Cool, ça. C'est le Garagio. Tu penses-tu que c'est Marco Cagliari qui va faire les annonces pour... Ça va faire Garagio. C'est celui qui chante ça? Je sais pas. Garagio, je sais pas. Bon, je sais pas. En tout cas... Ma blague est bonne, mais ça se peut qu'elle soit genre vraiment pas appropriée. C'est ça. ça dépend des critères de sélection d'humour. Exactement. On dit toujours d'écrire tes idées aussitôt que tu les as. Comme moi, j'avais une idée pour un excellent quiz de jeux vidéo que je veux faire à Assemblage Requis. J'avais plein de questions en tête, je les ai pas notées. J'aurais dû acheter ce produit-là, qui est le Wipe Book, qui est un carnet de notes avec à la place des feuilles de tableau blanc, un peu comme un tableau à effacer là, qu'on connaît tous avec des petits marqueurs. Là. Bref, à la place du papier, c'est ce qu'il y a là. Tu peux écrire, faire des dessins, prendre des notes, faire des graphiques, n'importe quoi, avec un crayon à effaçage, un crayon sec. Là. Et vous pouvez essuyer ces pages-là aussitôt que vous avez terminé. C'est une très, très bonne idée. À la place de prendre l'application, genre sur votre iPad, pour faire des dessins avec votre doigt. Là. OK, je comprends. C'est cool. Il y a une solution UV Gloss qui fait que les pages sont particulièrement douces. Et c'est en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. Un minimum de 10$ canadiens pour avoir votre propre cartable. Pas cartable, mais genre un carnet, si on veut, de notes. C'est très cool. J'adore l'idée. Ensuite, quand tu fais un party et que tu as des canettes de liqueur ou de bière... Ouais, tu veux savoir laquelle est à toi, là. Oui. Pour pas avoir la barre de quelqu'un d'autre dans la bouche. Non, c'est dégueu. C'est pas dégueulasse. Donc, c'est un genre d'étampe. Que vous appuyez contre votre canette et le mot est écrit à l'envers. T'as une sélection de 5 mots différents comme genre « à moi » ou « ça m'appartient ». Et vous allez étamper ça dans la canette avec le mot que vous voulez, c'est cool. Moi, si j'avais un mot à choisir, là, mettons pour étamper sur une bière, ça serait « c'est pas la tienne ». Ouais. Tasse-toi le gros. Ouais, comme ça, t'apprends. C'est comme « si ma bière, c'est pas la tienne ». C'est pas la tienne. Ouais, puis si quelqu'un s'appelle Paul-Étienne, tu sais. Ben oui, c'est Paul-Étienne. Paul-Étienne. Toute la soirée. C'est qui, Paul-Étienne? C'est quasiment là. Canstamp sur assemblagerequis.com. Ensuite, Noël s'en vient. Vous voulez acheter un cadeau à quelqu'un, mais il a déjà tout. Donc, vous savez pas quoi lui acheter. Achetez-lui rien. C'est-à-dire une boule transparente de rien. De rien. C'est un peu comme la canette qui disait genre de l'air qui vient de New York, là, dans le temps. J'avais déjà parlé de ça. C'est un peu le même genre de principe. C'est le cadeau du rien pantoute. Donc, quelque chose à donner directement à une personne, comme en blague, mettons, pour ensuite lui donner un autre cadeau qui aurait quelque chose dedans. Mais c'est de voir la face de la personne recevoir ce cadeau-là. Oui. Pour 5,67$, ça vaut la peine pour la face de la personne. C'est quand même drôle, tu sais. Ça se glisse bien dans un bas. Exactement. Ensuite de j'ai ça. J'ai jamais rien dans mon bas de Noël. Tu sais, quelqu'un qui dit ça, là. Ouais. Oh, jamais rien. Mais qu'un. On veut quelque chose de rien. Oui, c'est ça. Et tu, quand il va dire merci, tu dis de rien. De rien. Et dans le même principe pour les cadeaux des fêtes, vous voulez donner quelque chose encore une fois à quelqu'un qui a déjà tout, mais à la place, vous voulez vous faire plaisir à vous en même temps, ça? Genre. Fait que donnez-lui quelque chose qui vaut absolument rien. C'est le Ultra Low Net Worth qui dit « Sorry, I spent it on myself. » Désolé, je l'ai dépensé sur moi-même, cet argent-là. Hein? Ça vient de magasins à grande surface de Londres. Et dedans, ben, t'as, par exemple, des cure-dents, des trucs en canne, de la gravelle. Donc, je dépensais l'argent sur moi-même et voici un cadeau qui vient du cœur. En fond, l'intention est là, mais... Mais il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. C'est absolument rien. Je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle. Ensuite, pour soi-même maintenant, à Noël, vous voulez vous offrir, vous aimez le bacon, qui n'aime pas le bacon? Ben, ça, tu sais. Donc, les Bacons of the World, pour 300$, c'est qui vous envoie des bacons, du bacon, dans le fond. Vous allez recevoir 4 fois par année, 5 livres chaque de bacon. T'as du bacon américain, et donc, ça va être ton emballage va être à moitié bacon américain et à moitié autre chose. Par exemple, le guanciale, un genre de bacon italien fumé. Non, pas fumé même. T'as un bacon anglais fumé avec plein d'autres affaires comme ça et du pancetta qui est le cousin américain le cousin italien du bacon américain et t'as du bacon des fêtes qui est une version assaisonnée du bacon américain classique. Wow! 300$. 4 fois par année. 4 fois par année. 5 livres. 5 livres. 5 livres, c'est quand même beaucoup. Oui. T'en as pour un bon buffet. Ah, oh, mais là, je vois l'image. C'est tentant. Maudit que je croquerais dedans. C'est un méchant luxe, le 300$, mais achetez ça en gang, cotisez-vous pour... Ouais. En tout cas. Toujours dans le domaine de la viande, c'est le club Salami of the Month Club pour entre 140 et 385$. Donc, c'est les meilleurs salamis du monde, nous dit-on. Il fait couper à la main. Tous les ingrédients, dont l'ail et les épices, sont fraîchement tranchés et moulus à la maison. Pas à la maison, mais chez eux, à la compagnie Salami of the Month Club. Donc, c'est les meilleures choses qu'on puisse avoir, qu'on puisse se procurer dans la vie. Dépendant de ta commande, tu peux avoir 1, 2 ou 3 salamis livrés à ta porte à chaque mois. 12 variétés parmi lesquelles sélectionner. Et avec chaque commande, vous allez avoir des notes vous disant genre avec quoi vous devriez manger ce salami-là. Wow! Donc vraiment, c'est du luxe. Entre 140 et 385$, allez vous inscrire sur le Salami of the Month Club. Ah, j'aime ça. Quelle bonne idée, pour vrai. C'est un bon cadeau de Noël, ça. Maintenant, pour décorer votre arbre de Noël, oui, c'est des ornaments. C'est des décorations de Noël qu'on appelle ornaments en anglais, sauf que là, avec porn, c'est Dirty Flirty Novelty Company qui vend ces décorations de Noël-là perverses. Mm-hmm. Perverses, en tout cas, bref. Donc, c'est ça, c'est des trucs un petit peu sexy, kinky, si on veut. T'as genre un Père Noël qui... en fait, ça, c'est plus une Mère Noël avec une petite jartelle. Oui, mais c'est le Père Noël. En jartelle. Le Père Noël en jartelle, t'as bien raison. En dessous, c'est genre juste une dame sur une canne de bonbons. Nue. L'autre, là, on dirait que c'est une Mère Noël parce qu'on voit sa poitrine, non? Ah, c'est peut-être non, une poitrine de gars. C'est, ouais, juste mais qui, c'est ouais. Parce qu'il... Deux petits reines en train de faire des choses. Des cochonneries. Dans la forêt. T'as un ours kinky en genre sadomaso. Oui. Et t'as un genre de Barbie Ken dans la cheminée comme déguisement permanent. Ouais, fait que c'est des boules de Noël saxées. C'est ça, c'est cute. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour les procurer. Pour ceux qui sont trop renfermés sur eux-mêmes, qui n'ont pas assez d'amis, mais qui veulent avoir le repas de Noël quand même, le repas traditionnel, c'est un repas de Noël en canne. Wow! C'est le Christmas Dinner et c'est par une compagnie, un magasin de jeux vidéo qui s'appelle Game au Royaume-Uni. C'est eux qui ont sorti ça, mais en fait, on dit qu'ils ont sorti ça, mais moi, ça, je trouve que ça ressemble à un gag parce que c'est tout le temps genre backorder sur leur site. Là. Ah ouais. Tu peux comme pas te le procurer. Mais à l'intérieur de la canne de Christmas Dinner, tin comme une canne, genre, et dinner, tu sais, le jeu de mots est là, t'as dans la couche supérieure des œufs brouillés et bacon. Couche 2, t'as 2 tartes à viande, genre pâté à viande. Ensuite, t'as dinde et patates. Ensuite, sauce brune. Sauce à pain, ok, je connais pas. Sauce à canneberge. Des choux de Bruxelles avec de la farce ou du brocoli avec de la farce. Des carottes rôties et l'autre, je sais pas trop c'est quoi. Et dernière couche, c'est du pudding de Noël. Wow. Ça a l'air bon, hein. Et market ça, dans le fond, le marketing est dirigé envers les gamers parce que t'es trop paresseux pour te faire un souper. Ils disent que ça coûte 3,30$ environ, mais comme je disais, c'est dur à avoir. Oui, quand même. Mais bon. Peut-être, ils disent pour Noël 2014. C'est vraiment marqué ça. En tout cas. Mais c'est drôle. Ouais, bonne idée. Ensuite, tiens, une flashlight, une lampe de poche, mais qui va recharger vos gadgets. C'est la Zero Hour Battery Backup Flashlight pour 160$ qui combine ce qu'on appelle une ampoule LED à 1000 lumens avec 10 000 mAh. à l'intérieur d'un corps en aluminium et d'un truc en acier inoxydable. Et on peut enlever le capuchon pour exposer deux ports USB capables de charger multiples cellulaires et tablettes. Et la Zero Hour est modulaire, ce qui va vous permettre d'enlever la portion rechargeable si t'as besoin de quelque chose de plus petit à mettre dans ta poche. Wow! C'est cool, pareil. Ouais. 160. Pour ceux qui ramènent du fast-food à la maison, je pense qu'on en veut tous un, celui-là. Oui. C'est un rack pour mettre vos affaires de fast-food dans votre voiture. Ça se met sur le truc pour la tête. L'appui-tête. L'appui-tête. C'est pour la personne en arrière. Donc, tu mets ça autour de l'appui-tête et tu mets ton verre de liqueur, ta frite, ta une canette de liqueur additionnelle et un hamburger. Il n'y a pas de place pour un deuxième hamburger, ce qui, moi, je trouve... Non, mais tu as quand même des petits racks pour le sel et le poivre, on dirait. C'est vrai, sur les côtés, exactement, pour les petits sachets. Et tu as des crochets en dessous pour accrocher un sac ou n'importe ton quoi. Manteau. Ouais, ton manteau. Ou peut-être les poubelles. Oui, peut-être. Ah oui, le sac de poubelle. Oui, oui. C'est le Style Auto Backseat Organizer with Tray. Wow. Pour vrai, celui-là, c'est immanquable, j'en veux. Tiens, les robots font tout de nos jours. Hein. Ils vont passer le balai, l'aspirateur, la mop, n'importe quoi dans nos maisons. Pourquoi ne pas avoir un petit massage de la part d'un robot? C'est le WeMe qui est le premier robot anti-stress et qui fait des massages. Vous placez ça sur votre dos ou votre estomac, vous l'allumez et vous le laissez rouler sur vous-même. Il y a un tilt sensor qui va automatiquement empêcher le robot de tomber d'où il est. Et, ou de perdre son... Enfin, il va pouvoir s'agripper à ton dos ou à ton ventre. Trois paramètres de vibration, douce pression, petit chatouillage, chatouillement, c'est ça. Et un doigt attachable qui va lentement tourner. Donc, un genre de petit doigt qui va faire une pression sur un point. Oh. C'est le WeMe, W-H-E-E-M-E. Ça, c'est WeMe. Fantastique. WeMe! Comme WeMe l'ourson, là. Ah. Oui. Ouais, si on veut. On va sauter à celui-là. Tiens, si vous avez des photos, mettons, de mariage ou d'un événement que vous voulez partager avec tout le monde, mais que vous aimeriez partager d'une façon originale, c'est avec un, tu sais, le petit diapositif là, pour faire des diapositives, là, mais que tu te mets devant les yeux, c'était rouge dans le temps, t'appuyais sur le bouton, oui, ça changeait. Oui, comme les visionneuses. Les visionneuses. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais ils appellent ça comme ça, le tourner des visionneuses. Genre. Trois-Rivières. Ah ouais, pour vrai, ça, je sais pas ça. Donc, c'est des images 3D. On appelle ça le produit communément le Viewmaster en anglais. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, c'est avec le logiciel la compagnie Image 3D. On peut faire des reels, donc des bobines avec ses propres photos. Pour 30$, 29,95$, on peut faire ça avec 7 de vos propres photos. Et vous allez recevoir un genre de Viewmaster, pas l'original, mais un genre de Viewmaster, en rouge, bleu ou blanc, ou même noir. Et tu peux faire d'autres bobines pour 19,95$. C'est une bonne façon de commémorer des événements dans ta vie. Très original. Ouais, j'aime ça. C'est cool. Ensuite, un genre de petit decal qu'on peut coller sur son ordinateur, sur son trackpad, pour avoir l'air de manipuler un engin féminin. Un entre-genre féminin. Donc vraiment, sur votre trackpad d'ordinateur, tu joues avec avec l'entre-genre féminin. C'est le Double Clit Here au lieu du Double Click. C'est une compagnie basée à Brooklyn. C'est la designer Eliza Dunaway qui a créé Double Clit Here. Ça vient en deux styles différents, soit la Vanessa ou la Kiki. Je sais pas s'il y en a une qui est un petit peu plus kinky que l'autre. Et il y a d'autres styles qui s'en viennent plus tard. Allez voir la vidéo démonstration. C'est juste vraiment n'importe quoi. Moi, je le cherche. C'est le Vagina Trackpad Decal, l'article sur assemblagerequis.com. La petite vidéo est en bas de l'article. C'est un petit vidéo YouTube. Ensuite, quand vous avez à couper du beurre pour une recette, vous devez toujours calculer. Tu sais, des fois, sur l'emballage de beurre, il va y avoir une petite ligne. Oui, couper. Bon, ça, c'est bien fait. Ça aide, mais vous auriez peut-être besoin de ce produit-là qui est le Kitchen Art 32000 Gourmet Butter Mate qui va, dans le fond, vous permettre de mettre votre bâton de beurre dans le frigo. Et il va vous laisser mesurer soit en cuillerée à thé, cuillerée à table, une tranche de beurre. Et tout ça, avec une seule main, vous allez pouvoir couper la tranche de beurre. Pas besoin de sortir un couteau, pas besoin de se débarrasser du papier. Ouais. Papier gras. Donc, bonne idée, Kitchen Art. Ensuite, pour Noël, quand vous déballez un cadeau, souvent, on a tendance à le jeter. Des fois, il y en a qui vont le réutiliser pour un autre cadeau. Bon, je sais pas, là, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est la saison du gaspillage en ce moment. Donc, le Hidden Paper, c'est un papier d'emballage jetable, en fait, et renterrable. Vous allez pouvoir l'enterrer et faire pousser quelque chose. Un papier super eco-friendly. Donc, il y a des graines à l'intérieur du papier. Non seulement c'est recyclable, mais vous pouvez planter vraiment littéralement le papier dans la terre et ça va faire des carottes. Wow. Ou des betteraves, des tomates, des oignons. Ah, l'idée est chouette. Très, très bonne idée. Plein de légumes comme ça de disponibles. Présentement, ils ramassent d'argent sur Kickstarter. Vous pouvez avoir une feuille de papier d'emballage pour environ 8$. C'est quand même cher, mais bon. Ouais. Ben après ça, tu peux avoir des carottes. Exactement. Et c'est ça, des carottes, ça coûte cher. Oui. Quand vous allez aux toilettes la nuit, vous avez besoin de voir un peu, vous mettez peut-être une petite veilleuse dans le corridor, mais vous devrez peut-être vous acheter du papier de toilette qui brille dans le noir. Donc, papier de toilette, oui, qui s'illumine dans le noir, parfait pour le camping, entre autres. Ça coûte 10$. Et par rouleau, là. Ah ouais. C'est du luxe, là. Ouais, quand même. Tu penses-tu qu'après ça, c'est tes fesses qui illuminent? Ça serait encore mieux. Oui. Parfait pour retrouver son chemin. Tu regardes tes fesses, tu suis. On va sauter à tiens, un truc bac à glace en forme de chat qui fait des glaçons en forme de chat aussi. Et évidemment, il y en a 9 petits chats parce que les chats ont 9 vies. Hein. C'est le Lecube ben oui. Classic Cat Ice Cube Trick. Anodin complètement. Aussi très anodin, le Kamaputra. C'est 52 façons de faire votre besoin numéro 2. C'est un livre qui a été écrit par un auteur là, de l'Université de Californie à Davis. Donc, un professeur d'université. Non, un gradué, excuse-moi. Il a gradué. OK. Mais il a écrit le Kamaputra. Tu peux faire, tu peux te croiser les jambes pour faire ce besoin-là. Ça veut oui, dire. Mais lui, il est en position de prière, on dirait. Oui. Mm-hmm. Assis en indien, presque. Oui. C'est du yoga, mais Kamaputra. Kamaputra. Ou encore une fourchette qui tourne tout seul pour manger au restaurant. Il y a même une critique sur le site, je crois que c'est sur Amazon, oui exactement, qui dit qu'il avait eu bien du plaisir en famille à manger du spaghetti au restaurant. Donc je sais pas si dans un restaurant, t'aurais pas l'air de fou raide, mais c'est vraiment une fourchette avec un genre de petit pattern de nappe, si on veut. Et oui, ça tourne tout seul, le bout de la fourchette tourne ça. Très anodin, pourquoi ne pas en parler, hein? Oui. Allons-y avec... Ah tiens, des dildos animaliers. C'est le Trojan Horse Dildo, donc un dildo de 18 pouces de long en forme d'engin masculin de cheval. Et le manufacturier, la compagnie derrière ça, dit que c'est lifelike, donc très très réaliste. Je sais pas comment ils ont fait pour déterminer ça. Il y a aussi un dildo de chien, qui s'appelle Clifford the Big Red Dog Dung. Basé sur Clifford, le gros chien rouge. Oh. Et pour terminer, le Moby's Dick au lieu de Moby Dick. Wow. Qui est anatomiquement correct de baleine. Il y en a qui ont des fantasmes. Pourquoi, Mathieu? Pourquoi? Pourquoi pas? Pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont besoin d'envelopper leur petit bébé, c'est un tortilla pour bébé. Vraiment en forme de tortilla. La grosseur, plus qu'un tortilla quand même. Mais vous pouvez vraiment emballer votre bébé et il y a les instructions pour l'emballer correctement comme un tortilla. Donc, allez voir ça. Ça coûte 48$. C'est cute. Le bébé a l'air trop genre heureux de dormir dans un tortillon. Ah, c'est beau. Je sais pas si tu peux mettre du beurre, puis. Ah ouais, puis là, tout à coup de la salsa, puis là, bah, c'est ça, comme en tout cas. Moi, j'aimerais mieux un pain nan qu'un. Ah oui, ça serait bon. Tortillon. Et on va y aller très rapidement. Il nous en reste deux derniers. Je vais y aller avec la montre qui vous dit comment vous avez bu. Par exemple, pour les parties de bureau, c'est la compagnie Tokyo Flash Japan. C'est toujours eux qui sortent les plus bizarres gadgets. Ils ont sorti leur Keizai Intoxicated, nouvelle version avec petit bracelet en silicone confortable. Il y a une fonction de breathalyzer qui va vous donner un estimé de votre taux d'intoxication. Il y a aussi un jeu de la sobriété pour vraiment tester vos réflexes. Et il y a toujours l'heure là-dessus et plusieurs couleurs. 109$ en ce moment. Bravo pour savoir comment vous avez bu. Et finalement, un gigantesque divan en forme de chat, mais qui est parfait pour les humains et les chats. C'est vraiment un énorme, énorme divan. En forme de chat. S'asseoir. Ben oui, c'était en Belgique, un design studio basé à Antwerp en Belgique. Qui ont, dans le fond, c'est comme une œuvre d'art plus qu'un divan, mais bref. C'est le Felix Domesticus qui n'aimerait pas s'asseoir là-dessus. Waouh! Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Plein d'idées cadeaux. Vraiment. Et vous avez encore le temps, là, pour vrai, si vous prenez le shipping expedited, là, il reste encore assez de temps pour commander. Donc nous, on va vous laisser aller faire ça pendant qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Oui. Ah. Mais temps de remercier tout le monde. Oui, qui était là aujourd'hui? Ingrid Arneberg. Arneberg. Ingrid Birds, avec sa chronique La course au trésor. Sa dernière. Oui. Stéphanie Paradis était là aussi. Oui, pour nous présenter le journal Zone Campus. On remercie Sébastien Dulune, qui a participé à distance quand même pour sa chronique Va voir, j'y suis. Oui. Mm-hmm. Demain à l'émission, on est jeudi, on va avoir Justine Renaud. Et à sa chronique. Justine Auplatine. Exact. François Landry. Oui. Le Lucas 101. Oui. David Ferron. Oui. La langue dans ton oreille. Uh-huh. Uh-huh. Et Joanie Gagnon. Il sera là pour nous parler d'arrêt spectacle. Wow, on est cacophonique un petit peu, mais c'est comme ça qu'on termine l'émission. Oui. Restez sur nos ondes parce que dans quelques instants, ce sera les précieuses ridicules vers les 10h. Ensuite, à 11h, c'est les idées de cons avec Dany Janvier. À l'après-midi, qu'on est ensemble à 13h. Je vais de retour à 16h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Marie-Ève Picard va être de retour là-dedans aussi. À 17h, Stéphanie Paradis va co-animer l'édition Top 5 des Palmarès C'est Fou avec moi. Et puis voilà pour la journée d'aujourd'hui. Oui, c'est fou.ca. Oui, pour la programmation complète. Oui, assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Ah, oh, on est aussi sur Facebook, Twitter. Et tout le reste. C'est ça. On se quitte sur une chanson de Rouge Pompier. C'est Il est né, le chèque de la divine Socan. Oui. À demain. Bye. Bye.